KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Héros, c'est la Champions League ce soir. Ouais, ça va jouer en plus. Juventus de Turin, Bordeaux, Marseille, Milan, entre autres quoi. Et le PSG joue contre qui? Le FC ta mère. Mais tu vas pas me la faire à chaque fois sans déconner, t'as pas plus vieux comme van. Bah, ce qui est drôle, c'est qu'elle soit toujours d'actu. Hein. Bonjour, c'est Maître Ping. Et moi c'est Pong. Nous aussi dans Atelier, écoutez Michael de 21h à minuit. C'est très très bon choix émission. Du dimanche au vendredi, 21h minuit, c'est très très bon choix émission. Et c'est Ping et Pong qui le disent. Bonsoir tout le monde. C'est avec regret qu'on annonce aujourd'hui la mort d'un homme qui a fait mouiller toutes les femmes de plus de 25 ans. Film culte pour les femmes, parce que bizarrement les mecs ne s'en souviennent pas trop. Hein. Patrick Swayze donc nous a quitté cette nuit à l'âge de 57 ans. Il était atteint d'un cancer du pancréas hein, et encore le décès d'un acteur de haut standing. Enfin de haut standing évidemment après Sim. Cela dit, les garçons s'en souviennent pas, je peux te dire que ma sœur elle se l'est tapée tellement en boucle ce film que je le connais par cœur. Ouais mais moi c'est ma sœur qui lui a foutu la poisse, elle a regardé ça avec ma nièce. Il y a pas longtemps là. Qui a 9 ans, elle a regardé dimanche. Ah ben voilà. Bam, le lendemain il meurt le pauvre. Non, enfin bon. Tu sais celui le monsieur temps, qu'on a vu hier, il est mort. Ouais, déjà il ressemblait plus à Dirty Dancing le malheureux. Hein. Hein mais il est mieux où il est hein. Ouais. Je pense, ouais, je pense ouais. Bon enfin bon ouais, allez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, pendant qu'on parle de décès, profitons-en pour aborder un sujet qui effraie tous les Français. C'est-à-dire, ils ont peur, hein, qui terrorise tous les employés. Nous parlerons. Oui, calme-toi Josiane. Nous parlerons de France Télécom. Non, mais c'est... Alors comment ça se passe? On fait une émission un peu glauque ce soir? Oui, on peut voir ce soir, ça comme on ça. Peut enterrer un mort en direct aussi, ça peut être sympa. Non, mais on est obligé d'en parler là. Les employés ont dû se passer le mot sur Facebook, c'est pas possible. Alors hier, il y a eu une nouvelle tentative de suicide là chez France Télécom. Pour info, depuis un an et demi, il y a eu 23 suicides. Bah ouais, mais ouf, ils ont qu'à baisser le prix des hors forfait. Non, c'est là où c'est hallucinant en fait, c'est que c'est pas des clients qui se suicident après avoir vu la facture par exemple, tu vois. Non, ce sont des employés qui pètent un plomb à cause de leur direction. C'est quand même grave dans la rivière. C'est dingue. Non, mais c'est ce qui est horrible, c'est la photo dans le Parisien. En fait, je sais pas si vous l'avez vu, t'as la façade de l'immeuble de France Télécom sur laquelle est écrite « Le personnel est prié de se rendre à l'espace de vie ». Il y a donc un seul espace de vie. Bon, donc on va reparler d'Orange là tout à l'heure. Si vous bossez à France Télécom ou que vous avez de la famille qui y travaille, venez nous en parler. De quoi? Par avance, toutes nos condoléances. Bien sûr, ouais. Mais nous n'acceptons pas les appels d'Orange. Hein. Bien sûr. Hein. Bon, nous parlerons également de Kanye West. Eh ouais, Kanye West qui s'est cruché sa mère hein, pendant la cérémonie des MTV Video Music Awards. Non mais c'est un truc de fou là. Je sais pas si vous en avez certainement entendu parler. Là. Lorsque Taylor Swift, là, l'artiste qui venait de gagner le prix du meilleur clip féminin, prend la parole pour remercier tout le monde, blablabla, blablabla. Allez, Kanye West. Kiff. Voilà, Kanye West bah, lui prend son micro pour dire que Beyoncé avait le meilleur clip. Quel bâtard. Il y a Pink qui l'a traité de grosse merde après la cérémonie. C'est vrai, mais elle a eu raison hein, sur le coup. Hein. Bon, faut le comprendre, hein, le pauvre Kanye West, là, il s'était enfilé une bouteille à lui tout seul. Hein. Ceci dit, t'allais s'excuser, mais il était ridicule. Il a chialé comme une merde. Et c'était dans l'émission de... Excusez-moi, ouais. Je suis très triste pour Kanye West, mais les employés de France Télécom ont beaucoup plus pleuré que lui. Bon, on en reparle dans quelques instants de Kanye West, là. On a évidemment réussi à en faire quelques conneries. Nous parlerons aussi d'une étude britannique, pardon, qui va plaire à Toff le styliste. Ah, chouette, une petite étude à base de pétage de cul. Non, Toff, c'est une étude qui recense les mensonges les plus utilisés par les hommes et par les femmes. Ah ouais, ouais, genre je suis chez mes parents alors que je me tape une meuf. Voilà, c'est ça, par exemple, effectivement. Je suis sûr que Toff, il utilise tous les mensonges du top 5. Eh ben je peux te dire qu'il y en a déjà 3 que Toff utilise tous les jours, véridique. Non mais c'est vrai. Bon, c'est tous à un moment donné enfoncés dans un mensonge. Et le pire, c'est que au plus on s'enfonce, plus on ment, moins on est crédible. Ouais, c'est clair. Hein. Sandro, t'en as un toi ou pas? Bah ouais, souvent je disais que je m'étais enfermé chez moi en fait. Ah ouais, à l'école. Hein. Ouais, pour tu sais, quand je voulais une excuse quoi. Ça marchait mal. Hein. Et en fait le problème c'est que dès que ma prof elle a su que j'habitais au rez-de-chaussée, ça marchait plus. Ouais, c'est ça. Bah, ouais. Et toi Roux? Ouais bah moi j'ai dit une fois que je venais de me laver alors que... Et Jack? Jamais, je ne mens jamais. Il est bien celui-là. Ouais, il est pas mal. Celui-là c'est pas mal, ouais. Bon, venez nous dire quels sont vos plus gros mensonges, que ce soit avec à votre mec par exemple, à vos parents ou à vos profs. Peut-être que vous reconnaîtrez dans les mensonges les plus utilisés. Vous nous appelez 0800 70 42 48. Si vous êtes en dehors de la France, 00 33 800 70 42 48. Et faisons un point sur le répondeur. Vous nous avez laissé tous les jours et toute la journée d'ailleurs aussi des messages. On les écoute avant de choisir quel message remporte le cadre. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Roux, tu pues, tu sens la morue. Quand je t'ai vu, j'ai cru voir ton cul. Mais non, c'était toi qui étais devant moi. L'équipe, je vous adore, je vous écoute depuis 2 ans, j'ai manqué 4 émissions pendant 2 ans. C'est mal. Franchement, continuez comme ça. Fin du message. Message suivant. C'est pour dire à Micha, franchement, il est... Non mais il est trop teubé, c'est impossible, mais j'ai laissé 40 fois mon numéro de téléphone et il se dit que je l'ai pas laissé. C'est impossible. Micha ! Je sais même pas quoi dire là, franchement, il est con. Voilà, c'est tout. Fin du message. Message suivant. C'est le micro de top. Il faut que tu m'aides, Mickaël. Je supporte plus son AN. Faut faire quelque chose, sinon j'arrête l'émission, je me suicide, je chope la grippe, je meurs. Je t'en supplie, s'il te plaît, fais quelque chose. Fin du message. Message suivant. Bon, je voulais féliciter le Roux pour la belle performance de son équipe. Et en même temps, je voulais dire que j'étais satisfait de la performance de la mienne. Allez, sans recul, Roux. Fin du message. Ah oui, c'était message la première victoire, suivant. C'est un message pour Toff. Je connais une femme, c'est un plan très chaud. Elle est d'accord pour vendre son corps, donc je te passe son numéro. C'est 06-29. Voilà. Je m'appelle Daniela. Allez, ciao. Fin du message. Message suivant. Ouais, c'est, bah, numéro. C'est pour dire que je suis vraiment très, très déçu de ce que vous avez enlevé votre intro au début. Vous savez, là, l'intro pas drôle où à chaque fois, il y a Roux qui finit par alors que c'est pas drôle du tout. Bah, c'était sympa quand même, hein. Ça avait un petit air de petit ciné, je sais pas. En tout cas, c'était bien. On remettait là, c'était cool quand même. Fin du message. Message suivant. Sur votre site, j'ai téléchargé les 10 meilleurs prods que vous aviez fait de l'année dernière. Donc j'ai fait un petit best-of. Et vu que mon père est l'informaticien de mon bled, je l'ai mis sur tous les ordinateurs de mon bled. Comme ça, toutes les personnes qui allumaient les ordinateurs, même les profs, voyaient ça. Et puis, avant l'opération, sur 170 élèves, il y en avait une vingtaine qui vous écoutaient. Et maintenant, vous en avez déjà 80 sur 170. Ça fait plaisir. C'est bien, ça. Fin des nouveaux messages. Eh bien, tu as gagné. Le premier était rigolo. Ouais, aussi, le premier hein. aussi, le petit c'est chanteur, vrai. Hein. Effectivement, ouais. En plus, c'était emmerdé. Hein. Il s'était quand même fait chier à le faire, ouais, faire ouais, la ouais. chanson et tout. Et sur une chanson de Sardou. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Ça mérite un cadeau également. Micha, deux cadeaux. Deux cadeaux, bien, et tu rappelleras celui qui a laissé son numéro 40 fois. Il est un petit peu con, hein. Excuse-moi. Oui, on offrira non, mais qui est con dans les deux. Avec un encyclopédie, ça lui fera du bien. Ouais, c'est ça. Avec un encyclopédie. Oui, c'est un. C'est ça. Bah, t'en prends un aussi, tiens, si tu veux. Bon, allez, 01 40 71 3400 pour laisser vos messages. Et puis, ladies and gentlemen, c'est le grand jour. Et oui, le grand jour de la Ligue des Champions. Ce soir, la Juve qui va jouer face à Bordeaux. Et puis l'Olympique de Marseille qui joue face au Milan AC. Est-ce que l'on va voir un beau match? Bah oui. Quoi, bah oui? Bah, c'est pas les Bleus qui jouent. Il y a Ronaldinho au Milan. Ouais, ouais, ouais, en fait il joue pas ce soir, il est sur le banc. Et selon Ravanelli c'est un ancien joueur de l'OM. Cheveux d'argent. Ouais, ouais. Quand Ronaldinho joue avec le Milan, Milan joue à 10. Très sympa. C'est l'ancien de la Juve aussi. Ouais, ouais. Bon bah donnez vos pronostics hein, et puis on vous file des cadeaux là. 612, débutez le message par Rémi Kael, puis vous mettez foot. Et puis le match pour lequel vous voulez pronostiquer, si vous êtes dans le 1000, on vous filera les cadeaux et on essaiera de vous rappeler tout à l'heure. Et bon. on pense très fort à tous les supporters bordelais qui ont pas Canal et qui donc peuvent pas voir le match ce soir pour des raisons, on va dire, un petit peu chelou quoi. Voilà, c'est assez bizarre effectivement qu'il soit stocké sur Foot Plus hein, alors que l'autre il est sur TF1. C'est voilà, bizarre. C'est, enfin, voilà, bon. C'est des raisons d'audience quoi. Bon, on a appelé dans le l'OM Café là directement sur Marseille. Bonsoir Robert. Oui, allô Robert. Allô. Comment ça va Robert? Oui, ben ça va. Bon. Pour l'instant ça va. Alors comment va l'ambiance au café de l'OM? Ben, pour l'instant il y a de l'ambiance, mais tout le monde est tendu quand même malgré tout. Parce ah, il a failli avoir un but pour Marseille, hein? Ben, il a failli, oui. C'est enfin, dommage, bon. Hein, c'est dommage. Mais ça va venir. Ben, on l'espère. Qu'est-ce tous qu'on... ici, on est là pour ça de toute façon. Qu'est-ce qu'on on sert est là pour voir l'OM gagner, hein. Qu'est-ce qu'on sert ce soir à l'OM Café? Des pâtes, des pizzas ou... Non, ce sont des plats, hein. Pizza traditionnel quoi, voilà. Pizza au pastis, ça peut être pas mal. Ouais. Bon, un petit pronostic quand même là ou pas? Ben, le petit pronostic, je dirais que si on arrive à écraser le Milan AC 1-0 à la 94e minute, voilà. Ah oh, bah le principal c'est de gagner, hein, peu importe comment voilà, au final. Donc, bon, Marseille va gagner. Voilà. Donc je dis, moi j'aimerais bien, enfin je vois l'OM gagner 1-0 maintenant. Moi je sens. Le temps n'est pas de la partie, il y a quelques difficultés. Et aujourd'hui, ben, je dois dire, ça fait 3 mois qu'il n'a pas plu sur Marseille, il a fallu qu'il pleuve ce soir. Alors je sais pas si c'est mariage heureux, mariage pluvieux, mariage heureux, comme dit le proverbe. Ben, alors voilà. Ouais, bah écoute, il va y avoir un but, c'est dommage. Moi je sens. La Niang encore, il n'a pas cadré dans le but. C'est dommage. Et d'ailleurs, en parlant de pluie, le Milan, ils ont une tenue, ça fait limite vinyle. C'est Marseille qui joue en noir. Ah, c'est Marseille en noir, pardon. C'est Moulin. Non, mais ça fait très sexy, c'est super beau. C'est très joli. elle s'intéresse au football. Hein. Non, non, non. Elle s'intéresse qu'aux joueurs, mais peu importe d'où ils viennent. Hein. Bon, allez Robert, allez Marseille, t'embrasses tout le monde au café de l'OM. Et je puis, on essaiera de rappeler tout à l'heure à la fin du match. Et bonne chance. Salut Robert. Au revoir. À bientôt, direction Bordeaux maintenant, de l'autre côté avec Fares qui est là. Salut Fares. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bon, ça va bien, ouais. Bon, comment ça se passe au niveau de Bordeaux, là? Parce qu'on n'a pas d'écran, là, sur Bordeaux. Mais là, ça pousse sévère, là. On a des occasions. Ça sent bon. Ah, d'accord. Ça sent bon. Bon, ils jouent en quelle couleur, bien. Bordeaux, alors? Ben, rouge et blanc. Bah, rouge et blanc. Ah oui, on n'a pas l'image. Hein. On a malheureusement pas l'image. C'est sur Foot Plus, on n'a pas Foot Plus. Mais c'est le maillot extérieur, hein, le rouge et blanc. Maillot de l'Atlético Madrid. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Alors, un petit pronostic pour toi ce soir ou pas? Ouais, moi, j'ai dit qu'on va gagner 1-0. But à la 74e de Chamac. T'es précis toi hein. Ouais, 20 minutes avant la fin donc. 20 minutes avant Marseille, d'accord, ok. 15 minutes avant la fin. Bon, et un petit pronostic pour Marseille aussi, même si t'es pas derrière. Marseille, le seul pronostic, j'espère qu'ils vont perdre. Oh, tant qu'à faire, autant avoir une équipe française le plus loin possible, même si c'est pas Bordeaux quand même. Je préférais que ce soit Bordeaux là, cette année je sens que c'est l'année de Bordeaux là. Ouais, d'accord, mais enfin tant qu'à faire, autant qu'il y ait deux équipes françaises plutôt qu'une seule. Il y a Lyon aussi. C'est dans le cœur, je peux pas voir Marseille gagner. C'est vilain. Allez, bah écoute, Fares, on te rappelle tout à l'heure pour voir comment ça se passe, d'accord? Il n'y a pas de souci. Bon, ça marche, salut à toi, Fares, et les pronostics, allez-y. Hein. 6-11-12, débuté par Mickaël. Puis vous mettez foot avec le match que vous pronostiquez. Si vous pronostiquez bien, vous repartez avec des cadeaux. Pour l'instant, c'est zéro partout. Il y a Porto aussi qui joue face à Chelsea. Et c'est la 26e minute chez tout le monde, à peu près, bien évidemment. Et demain, bon. Standard de Liège, Arsenal. Eh ouais, bah enfin bon. Gros match, hein. Très gros match. Hein. Bon, enfin, on en parlera demain. Mickaël, le podcast. Ah oui, ce matin dans le 6-9, j'ai oublié de vous dire, c'est Benjamin Castaldi qui a remplacé Nikos. Évidemment, c'était une blague puisque Nikos n'est pas malade et Benjamin a retrouvé sa place à Secret Story. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite guéguerre là qui est en train de naître. Nikos est-il meilleur que Benjamin Castaldi? Bah oui. Bon, c'est vraiment histoire de... Évidemment, voilà. Évidemment. C'est juste parce qu'il fait partie des murs. Ouais, c'est pas ça. De la maison, quoi. Des murs. Ce qui est vrai, c'est que au bout du temps, je trouve que l'émission... Enfin, que Benjamin incarne Secret Story, tu vois, mine de rien, comme il l'a présente depuis 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est surtout qu'ils présentent pas de la même façon, hein. Je trouve qu'ils ont chacun leur style. Hein. Bah, ça, c'est sûr. C'est comme si tu faisais la Starac sans Nico, ça, c'est pas pareil. La Starac avec Castaldi, c'est sûr, ouais. Ouais, mais c'est ce que tout le monde disait avant que Virginie Efira se barre de la nouvelle star. Non, parce que M6, ils ont cette force justement où c'est, je trouve, c'est l'émission qui est en avant par rapport au présentateur. La preuve, c'est qu'ils changent de présentateur pour toutes les émissions, ça gêne personne. Là, je suis surpris quand Mélissa Torio elle revient, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. À voir. Mais c'est les flics aussi ont été surpris de qu'elle revienne. Bon, revenons sur la quotidienne, là, comme on le disait hier. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comme on le disait hier, Jonathan est une girouette et La Voix demande aux candidats d'avouer les plus gros mensonges qu'ils ont dit dans Secret Story. Et donc Jonathan revient sur sa relation avec Sabrina et il change encore une fois sa version des faits. Ah ouais. Peut-être pour vous, je l'ai pas dit. On a pris des distances. Et je lui ai dit que c'était par rapport au fait que j'avais vu Daniela et que je doutais là-dessus. Alors qu'en fait, les distances, je ne les ai pas prises par rapport à ça. Je les ai prises par rapport à la peur que j'avais de l'engagement que ça, ça impliquait avec, avec Sabrina. Et que... Il pleure ? C'est difficile. J'ai pas envie de m'engager si je suis pas sûr à 100%. Et l'engagement est tellement fort... que j'ai pas envie de le faire à moitié. C'est n'importe quoi. C'est là qu'il ment, c'est pas avant. Mais oui, c'est là qu'il ment. Je pense que là il mitonne pas mal. Genre, ouais, c'est juste qu'il a peur de se faire taper par ses potes, par les frères gitans. Oui, c'est ça, ouais. De bon, Sabrina. Et donc Cindy qui a toujours un truc gentil à dire sur ses petits camarades en ce qui concerne Jonathan, elle est vraiment touchée par ses larmes. J'avais envie de rigoler quand il chante. Oui, c'est de larmes. Mais franchement, il est bon comédien le Jonathan. T'as vu, écoute, hein, on n'a pas la télé. Faut bien qu'on ait des acteurs à la maison. Voilà. Ah, elle se lève, son Jonathan, celle-là. Mais c'est vrai qu'on a perdu celle qui nous faisait le plus rire, Miss Ch'ti 09, 2009, pour être précis. Alors, Vanessa. Mais heureusement, il nous reste Cindy. Et là, par contre, elle nous avoue ses mensonges et ça concerne FX. Bah, par rapport à FX, en fait, à chaque fois qu'il me demande comment il est habillé, comment il est coiffé et tout... Je lui dis que c'est beau, mais en fait je trouve ça nullissime, hein, qu'il s'habille comme un sac. Que franchement, me balader dans la rue avec un mec comme ça, j'aime autant éviter quoi. Et surtout sa coupe de cheveux, que d'ailleurs a mis le doigt dessus Benjamin, était absolument atroce, immonde. Et j'avoue que j'ai bien rigolé avec Didier quand je te regardais, parce que t'avais vraiment l'air... Tu cadres là quoi. Ah, puis en plus elle parle de lui, il est à côté. Ah, il a une tête de cul, mon pauvre garçon. Je me disais que ça me va, et moi je te disais oui, mais alors que t'avais l'air con. Elle pleure. Elle est contente. Elle est fière. Après ça, il était pas bien FX en plus. Hein. Mais c'est vrai qu'il s'habille comme un sac. Et surtout, il est con. Oui, c'est aussi. Ouais. FX, il fait peur quand même. Parce que, enfin, je veux dire, les meufs, ouais, en général, tu sais, c'est quand, quand elles voient d'autres meufs minces, qu'elles ont de quoi complexer. Mais là, quand tu vois FX. Ah oui, là, c'est clair. Les boules, pas complexer non plus. Bon, et on va terminer avec la phrase philosophique d'Emilie qui, elle aussi, revient sur la séparation du couple de la semaine, Jonathan et Emilie. N'oublie pas l'histoire des chaussures. Petite basket confortable, certes elle a des trous, mais t'es bien dedans. Tu marches, tu peux faire le tour du monde, t'as pas mal aux pieds. Mais toi tu veux mettre la petite talonnette, machin, t'as des cloques. Ah elle est belle la chaussure, mais elle te fait des cloques, des crampes et tout. Et tu finis pas le tour du monde. Est-ce que est-ce qu'elle compare Daniela et Sabrina à des pompes? C'est ça. Je pense que j'ai pas bien compris. Je pense que c'est ça, effectivement. Mais, alors, mais qui est la belle chaussure et qui est la basket dont on est bien dedans avec des trous? Nous le saurons dans le prochain épisode. Bon, c'est terminé pour Secret Story, mais il y a un autre couple aussi là qui fait parler de lui apparemment. Ah oui, François-Xavier et Bruno. Non, un vrai couple. Ils sont riches, beaux. Les Beckham. Non, pas cette fois là. Je sais pas si vous avez entendu cette info là. Nicole Scherzinger, la chanteuse des Pussycat Dolls. Ah, ouais, ah oui. Super bonne. Oui, c'est bon, pas ça l'info, je crois. Nicole Scherzinger et Lewis Hamilton qui fait de la Formule 1 se seraient séparés et l'info a fait le tour du monde très rapidement d'ailleurs. Ah ouais. A priori, il l'aurait appris au dernier tour du dernier Grand Prix. Hein. C'est pour ça qu'il ouais. Boum. Ah, voilà. Il s'est pris le mur. Sinon, moi, je me la ferais bien aussi quoi. Oui, mais oui, t'as compris, c'est bon. Eh bien, l'info est fausse. Lewis Hamilton a démenti et il a dit ce sont des cons, tout cela est complètement faux. Comme ça, c'est clair au moins. C'est un merde, moi qui croyais déjà mettre une cartouche à Nicole. Ouais, c'est ça. Nicole, comment? Sauf, comment t'expliquer, même si elle avait pas de tête, eh ben, t'auras aucune chance. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, Nicole, comment? Nicole. Voilà, Scherzinger, ouais. Bon, puisqu'on a les people, puisqu'on est dans les people, pardon, il y a Paris Hilton là qui a encore fait parler d'elle comme d'habitude. Elle a montré son cul. Non, mais on a la preuve qu'elle ne s'est pas travaillée. Oui, mais ça, on le savait déjà, enfin, c'est pas une info. Ouais, c'est vrai. Paris devait juste se rendre dans une boîte à Francfort pour faire de la présence, et ben, même ça, elle a réussi à le rater. Comment elle a fait pour rater ça? Bah, en fait, elle était bourrée dans sa chambre d'hôtel et elle est restée pour dormir et elle a loupé la soirée. Quel est con. Voilà. Ils lui ont dit quoi, les mecs? Bah, elle va être obligée de rembourser et ça va lui coûter cher puisque son cachet. Oh putain, c'était 5 millions d'euros. Oh, ah oui. Pour une soirée. Ouais. Putain, ça fait cher la soirée de Baverie. Hein. Et bien sûr, on ne pouvait pas parler de People sans parler de la grosse connerie de notre ami Kanye West. Ah, ouais. Lui, il est grave. Lui, il aurait dû fermer sa gueule. Mais non, c'est juste le bruit sortefeu américain. C'est ça, ouais. Bon, je vais juste rappeler les faits. Hein. Kanye West donc était dimanche au MTV Video Music Awards. Et bah là, forcément, il coupe la parole de Taylor Swift qui vient de gagner le prix du meilleur clip d'une artiste féminine. Il prend le micro et il dit que c'est Beyoncé qui aura dû gagner ce prix. C'est gros, super hein. Vexant. Ouais, un peu, c'est ouais. Vraiment un connard. Mais je crois qu'il était bourré. Hein. Ouais, ça c'est clair. Mais ça devient grave. Il était bourré, il avait cuvé du whisky, je cognac, crois. Cognac, ouais. Mais ça devient grave en fait pour lui parce que tout le monde le défonce. Il y a Pink qui lui a dit Kanye West est la plus grosse merde sur Terre. En toute sympathie. Bien mais sûr. Il y a Katy Perry aussi qui lui a dit va chier Kanye, c'est comme si tu venais d'écraser un petit chaton. Oh, et Kelly Clarkson aussi qui lui a dit qu'il lui faisait pitié quoi. Bah ouais. Il bah faisait forcément. Pitié. Hein. Il y a Ben Laden aussi qui a envoyé une vidéo, il a dit dénomme-moi que je vais t'exploser. Non, ça prend une grosse ampleur hein, parce qu'il y a même Obama qui a dit à un journaliste que Kanye West était un abruti. Ouais, en fait, c'est sur le Twitter pendant une interview d'Obama. Alors, en fait, les journalistes pendant l'interview se disent ouais, histoire d'avoir une exclue, on va tweeter tout ce qu'il dit, sauf qu'en fait il a dit ça en off de l'interview. Exactement. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Il devrait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça hein. Je te confirme, effectivement. Ouais. Enfin, sinon il aurait pu aussi se faire sucer 7 fois et. Non, ça ira, c'est bon. Bon d'accord. Bon donc c'est quand même relativement très grave. Et c'est pas fini parce que Kenny ne sait pas tenir sa langue et donc forcément on a trouvé d'autres conneries qu'il a dit, mais on vous les diffusera tout à l'heure. Mais il s'est excusé aussi, il était chez Jay Leno. Ouais, c'est ce que je disais au début de l'émission. Mais il a chialé tout, c'est vrai. Non mais comme une merde. Non mais il était là. Comme une merde. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire de ma carrière? Ouais, c'est ça, c'est le mec qui remet sa carrière en question. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est naze. En fait, il s'excuse pas vraiment, c'est juste qu'il flippe pour sa carrière. Ouais, bah oui, mais t'as vu tous les plus gros artistes, les chanteurs et tout, ils l'ont défoncé. En même temps, c'est normal. Et ça se fait pas, la meuf, elle est en plein kiff, elle reçoit un truc et tout, elle est sur une autre planète à ce moment-là, il lui a niqué son délire quoi. Même Beyoncé, en fait, elle a été super gênée, j'ai vu sur la vidéo. Il paraît qu'elle a été la choper à la fin et tout. Non, quand elle a reçu son prix à elle a invité Taylor Swift à venir terminer son discours. Ouais, ça va. Franchement, ça va parce que. N'empêche, tu regardes sur la vidéo après que Kanye West, l'autre Taylor Swift elle sait plus quoi dire, elle est complètement perdue. Oh, c'est d'ailleurs pour ceux qui étaient pas là, on va vous expliquer ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est quand même assez marrant. Mais c'est surtout que t'imagines, ça se trouve elle, c'est le seul et unique prix qu'elle aura dans sa vie. C'est une chanteuse country hein, quand même, faut le savoir. Oui, c'est vrai que c'est pas gagné. Mais cela dit, pour Kanye West ça marche bien, cela dit, la country aux États-Unis hein. Je m'en ferai pas pour sa carrière, ce mec fait de la super bonne musique, à partir du moment où la musique elle est bonne, c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est vrai, mais bon. Ouh. grosse casse pour les Marseillais. Ah mais ils viennent d'en rater une. Hein. Oui, et bah là oui. Une deuxième encore. On a le même écran. Hein. Oui, je sais, mais il y a 30 secondes, il y en avait une, encore une autre que celle-là. Putain. Et deux fois, elle est passée à côté. Allez, non, ça va rentrer, ça va rentrer. Ouais, ça il faut qu'on mette la pub pour qu'il marque. Ouais, ouais. Attends, il reste 20 secondes, il y a un corner. Bon, allez, vas-y. On fera la question pour une réponse juste après. Et bah, non, attention. Il faut le jouer. Ah bah il le joue mais c'est Milan hein, qui le joue. Mickaël, le podcast. Bon, on va jouer maintenant au jeu des amis avec Ludivine qui est là. Allô Ludivine. Salut. Comment Salut. Vas-tu? Salut. Ça va très bien et vous? Bah écoute, ça va bien aussi, hein, tranquille, tout va bien, ça va. Bon alors Ludivine, on va jouer au jeu des amis. Ouais. Très bien, on salue Tex qui est là. Bonsoir Tex, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites? Bah, je demande comment est-ce que vous allez aujourd'hui Tex, c'est quand même pas très compliqué. Bien, tant mieux. Allez, pas bavard, Ludivine. Hein. Non, il est pas bavard. Non, mais il suit. Vous pensez que Marseille va gagner ce soir, Tex, ou pas, à votre avis? Non. Non, bon, d'accord. Et Bordeaux? Oui. Ah, supporter bordelais, Tex. Ouais, apparemment, Tex est bordelais. Bon, et Ludivine, toi, c'est plutôt quoi? Toi, t'es dans le Nord, hein, donc. Ah, tu penses que Marseille va perdre et Bordeaux va gagner? Ouais. En même temps, le pronostic est facile, vu que pour l'instant, Marseille perd 1-0. 0-1 plutôt. Et Bordeaux pour l'instant c'est toujours un nul 0-0. On verra bien. C'est la mi-temps partout quoi qu'il arrive. Bon Ludivine, on va jouer au jeu des amis. On va appeler un de tes potes, hein, Valentin, Julie, Maxime, comme tu veux. Bon n'importe, bah, je sais que Valentin aimerait bien passer à la radio. Ouais. Mais on l'appellera pas. Exactement. D'accord. Et bon non mais sérieux, tu le connais depuis quand Valentin? Alors là, depuis la maternelle. Depuis la maternelle, d'accord, ok, très bien. Allez, appelons Maxime. En plus, c'est ton mec, je pense qu'on va plus se marier ouais, avec Maxime. Ça beaucoup plus drôle. Ouais, d'accord. Sincèrement, je crois qu'on va plus se marier, ouais. Allez, on y va, c'est parti. Allô, Maxime. Salut. Ouais. Salut, Maxime. Salut. C'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Salut Mickaël, ça va bien ouais. Bon Maxime, on va jouer avec Ludivine au jeu des amis. Tu connais Ludivine? Bah oui. Bon très bien. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Bah forcément tu la connais ta meuf. Si tu réponds correctement à 6 sur 10, c'est gagné pour vous deux. Si tu sais pas, tu passes, c'est considéré comme une mauvaise réponse. Et il faut répondre du tac au tac. D'accord? D'accord. Bon, et pour info, je n'ai plus de symptômes grippales. Hein. Très bien. Grippo. Par contre, moi, grippo, je les ai. Pardon. Mais quoi? Non, mais c'est sérieux? Psychologique, sans gros. Je suis fatigué à mort et j'ai froid tout le temps. Oui, mais t'as fait une nuit blanche. Ouais. La nuit dernière, ouais. Pas celle-ci, celle d'avant. Ouais, voilà. Non, mais t'inquiète pas. Mais c'est ça normal. Sur ce compte-là. Ouais. Par ouais, contre, ouais. J'ai un, il y a un nouveau symptôme là qui existe au niveau de la grippe. C'est le bouton sur le nez. Ah non, c'est attends, la varicelle. Il est atteint alors. Ouais. Là, c'est. Bah, mais qu'on aille chercher l'appareil photo. Arrête. Qu'on aille chercher l'appareil photo. Ouais. Allez viens, ou partageons la grippe. Ah là. En plus, je te regarde là. T'en tires un gyrophare. Problème, c'est qu'en le regardant, on louche. Bon, allez, Ludivine, Maxime, vous êtes prêts? On y va. Ouais. Attention, première question. C'est parti. Quelle est la taille du dernier pantalon qu'elle a acheté? Du 40. Du 40, bonne réponse. Quelle est sa série télé préférée? Desperate Housewives. Desperate Housewives, ouais. Effectivement. Ah, on l'a fait chier là. Ouais. Dans quelle matière scolaire est-elle la plus nulle? L'allemand. L'allemand, bonne réponse. En même temps, il faut vouloir choisir ça aussi. Hein. à quoi est-ce qu'elle est allergique? Comment? À quoi est-ce qu'elle est allergique? Je sais en plus. À la cire, bonne ouais. Réponse. C'est pour ça qu'elle s'épile pas. Quel est son lieu de sortie favori? Son lieu de sortie favori? Ouais. Le Valenciennes. Oui, alors oui justement, alors Ludivine. Ah, faut avoir envie de sortir à Valenciennes, hein, putain merde. Pourquoi tu vas à Valenciennes? Non alors c'est sympa par rapport à Denain d'où tu viens, effectivement VA c'est mieux. Mais bon. Vous faites quoi? Non rien, c'est très bien de c'est une d'ailleurs. Très belle ville. Il y a des shopping, il y a des fonds à Lille aussi. Hein. Ah ouais non mais Lille ça va. Non mais attention, tu compares tout n'importe quoi. D'ailleurs je comptais justement aller avec Leroux à Denain là ce week-end. Bah, je pensais que t'allais aller avec Roux ramasser des coquilles de moules mais. Non, n'est-ce pas Roux ce week-end on va à Denain. Allez. Non. Ouais, Denain c'est loin. Pas un van de rap. Ouais, ouais. En plus. Bon ouais. Allez, 5-0 pour l'instant, c'est pas mal. Combien de fois par semaine se masturbe-t-elle? Alors, je sais pas, 3? Non, 2 fois. Hein. Dommage. Ouais, ouais. Quelle est sa position sexuelle préférée? La levrette. Oui, la levrette, ouais. Bonne réponse. Il en sait quelque chose. Quel type de sous-vêtements préfère-t-elle porter? Des culottes? Non, des boxers. Mais non, mais bah ouais. Quel est son plus grand fantasme? Ça, il le sait. Ah oui, coucher avec deux mecs. Oui, coucher avec deux mecs. Tu n'as toujours pas accepté? Ouais, mais je peux comprendre. Hein. Ouais, grave. Attends, mais... comme si j'avais accepté. Attends. Bah, ah oui, t'as raison. Eh, Ludivine. Oui. Dans un premier temps, on propose lui de faire l'amour avec deux meufs, comme ça il te dira après, ouais, ok. En fait, c'est parce qu'elle ne veut pas. C'est parce qu'elle ne veut pas faire avec deux meufs. Du coup, elle a dit, ok, mais on fait avec deux mecs d'abord. Ouais, d'accord, ok. Franchement, je sais pas si je ferais. Je préfère en garder qu'une seule que de devoir taper deux mecs. Franchement. Ouais, je pense que ouais. Bon, allez, dernière question maintenant. Combien de partenaires sexuels a-t-elle déjà eu? Oh, sacré. 3. Et non, 17. Oula. Non, 3, effectivement. Je voulais juste foutre un peu la merde, mais ça n'a pas bien marché, c'est dommage. Et 17, et il faut que tu saches qu'il y en a eu 10, c'est pendant qu'elle était avec toi. Ah oui, bien sûr, elle t'a trompé d'innombrables fois, ça elle nous le dit tout à l'heure. Hein. Bon, enfin, c'est pas très grave. Depuis qu'on est ensemble. De quoi? Donc je disais combien il y en a depuis qu'on est ensemble. Combien il y en a depuis qu'on est ensemble. 10. Ah bah 10, pas mal, hein. Pas mal, même voilà. 10, hein. Elle t'a trompé 10 fois, mais ça va, c'est un bon score, hein. C'est un chiffre rond, c'est pas mal, comme ça t'es tranquille. C'est pour moi aussi en fait. De quoi? C'est que moi aussi j'ai trompé. Bah voilà, on en apprend des choses, c'est pas mal. Mais tout va bien alors. Bon bah on va vous remettre au standard. On va vous remettre au standard, vous allez vous expliquer, hein. Ouais. Allez, okay. Bonne soirée. Et on est heureux d'avoir pu participer à votre séparation. Et si vous voulez, il y a Ludivine qui est dispo au standard, qui veut être célibataire. Donc si jamais ça vous intéresse, les mecs, allez-y. Hein. Ludivine, excuse-moi, je parle. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu voulais faire? Une petite dédicace. J'entends pas. Une petite dédicace. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas, ça fait chaque fois, ça fait deux. Je comprends pas. Hein. Elle veut une veste Adidas, je pense. Ah ouais, tu veux une veste Adidas? Non. Ah bah tant mieux, ça nous arrange. Ouais, fais plutôt ta dédicace alors, ouais. Bon bah alors je fais un bisou à Valou qui écoute la radio, puis à ma maman et à la famille Prémery. D'accord, bah écoute, on les embrasse. Hein. Bon, salut à vous deux, à bientôt. Et pour partir avec des cadeaux, évidemment, je vous repasse Micha au standard. Voilà. Et si vous voulez jouer au jeu, les amis, ben 612, débutez par Mickaël ou sur Mickaël.fm. Dans les deux cas, vous débutez votre message que vous allez envoyer par Mickaël et puis vous mettez ami avec votre numéro de téléphone. Opa, cadreve, légal, tudo bem. Tudo bem. C'est du portugais. Oui, on a compris. Ouais. Ah, il y a un message qui est arrivé, mais il n'a pas laissé son numéro de téléphone. Mon père est parti en dépression à cause de son patron en France Télécom. Bah laisse ton numéro de téléphone, hein. Mon père il taffe et est encore vivant. C'est Mathilde. Wow. Bon bah tant pis. Ton père. Non mais ça va, arrête. J'ai fait 2 ans d'alternance à France Télécom, je suis prêt à témoigner, c'est Pauline, 20 ans. On va te rappeler Pauline. Je bosse et je vis très mal ma rupture avec mon patron, j'envisage de me suicider, mais ça me fait peur. La rupture avec mon patron. Non mais te suicide pas. Déjà te suicide pas parce que c'est con en même temps au final. Hein. Mais voilà, oui, bah laisse ton numéro de téléphone si tu veux ou explique-nous par SMS qu'est-ce qui s'est passé. On pourra peut-être éventuellement te filer un petit coup de main. Mickaël, le podcast. Bon, on va revenir sur Kanye West là, quelques instants où vous en parlez tout à l'heure pendant les MTV Video Music Awards. Kanye donc a créé un scandale en montant sur scène et en arrachant le micro des mains de Taylor Swift. La Swift, hein, qui on le rappelle, est disponible en 3 portes à partir de 16 000 euros. Oui, il s'agit pas de la Swift chez Suzuki. Là. Ah, Taylor Swift est une jeune chanteuse, donc hein, pas encore super connue chez nous. Et donc elle a reçu un prix pour son clip. Et donc face à elle, dans la même catégorie, se trouvait Beyoncé. Et ça n'a pas plu à Kanye West. Et non, bah lui forcément, il aime Beyoncé et il aime son clip et il l'a fait savoir, hein, puisque c'est la raison pour laquelle il a dérobé le micro des mains de Taylor pour tout simplement dire qu'il trouvait que Beyoncé avait fait un superbe clip. Voilà. Oui, bon après on en a parlé tout à l'heure, mais faut repréciser que Kanye West avait une bouteille de cognac à la main. Oui, c'est vrai, il a fait la cérémonie de la bouteille, ouais, effectivement. Ouais. Donc, et il l'a eu pendant toute la cérémonie, hein. Et il faut le savoir quand même. Hein. Ouais, donc, à la bouche plutôt qu'à la main en même temps. Effectivement. Bref, l'histoire donc a créé un vrai drame aux États-Unis, si bien que même monsieur le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, lui-même s'est exprimé à ce sujet. Il aurait dit, comme le rôle a dit tout à l'heure, en off, évidemment, pendant une interview à la chaîne ABC, qu'il trouvait que Kanye avait agi comme un jackass, hein, ce qu'on peut traduire par crétin, bouffon, connard, trou du cul, enculé. Non, voilà. Bah non, vous allez trop loin là. C'est à peu près évidemment, ça. Un crétin, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs. Oui, bah c'est quand il y en a plusieurs que ça pose un problème. Hein. Bref, donc le journaliste donc de ABC s'est empressé de mettre l'info sur son Twitter. Du coup, deuxième scandale de l'affaire Kanye West, retrait du tweet en question, communiqué de presse de la chaîne pour s'excuser. Et surtout, pas la moindre déclaration du King of War, enfin de Barack Obama, quoi. Après, j'en préférais que nos ministres fassent des réflexions sur les artistes plutôt que sur des militants de leur parti. Et ouais, c'est vrai. Je vois bien Machelot nous donner son avis sur le nouvel album d'Alpha 520. Tu sais, ou Sarko sur celui de Booba. Mais Barack Obama n'est pas le seul à avoir réagi, hein, puisque Pink donc, s'est exprimé aussi en disant, je cite, « Kanye West est la plus grosse merde de tous les temps ». Court, simple et efficace. Hein. Voilà, c'est ça, mignon. Exactement. Bah, par contre, Taylor Swift est moins efficace. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure, je donnerai la phrase qu'elle a dite. Nous avons traduit, mais c'est pas mal traduit, hein, que ce soit clair. Hein. J'étais là et j'étais vraiment très contente parce que je venais de gagner un trophée. Et puis j'étais vraiment très contente parce que Kanye West m'a rejoint sur scène. Ouais. Et puis je n'étais plus vraiment contente après ça. Voilà. Donc je résume, hein, j'étais contente et puis j'étais vraiment contente et puis j'étais plus vraiment contente. Voilà. On dirait les paroles du prochain morceau de Camaro. J'espère que ce sera pas ça. J'espère que ce sera pas pour Chaim aussi alors. Hein. Ouais. Elle était en kiff sur Kanye West, elle se dit, oh, il est chaud et tout, il va se passer un truc ce soir. Et non. Voilà, bah non, en fait non. Donc l'affaire ne s'arrête pas là, évidemment, puisqu'aux États-Unis, de nombreux internautes se sont amusés à créer des bootlegs sur la base des morceaux de Kanye West avec les sons tirés de la scène. Alors écoutez ce que ça donne. Claire, merci tout le monde. Quel con. Ils sont rien à foutre quand même. Hein. Ah, c'est énorme. Meilleur clip. Meilleure vidéo de tous les temps. Ouais. Enfin, après, j'ai pas vu le clip. Hein. Je dis faut pas abuser, mais j'en sais rien au final. Ça se trouve, c'est une tuerie. C'est sympa. Ouais. C'est sympa, c'est sympa. Histoire de vanner, ouais. Voilà, donc How Can You Be So Heartless. Donc voilà comment le remix se termine avec la propre voix de Kanye West qui dit, je traduis donc, comment as-tu pu à ce point-là ne pas avoir de cœur? Ouais, au cognac bis se testi, hein, je traduis, comment le cognac peut-il être si bon? Alors je sais pas, je ne sais pas, tout ce qu'on espère, c'est quand même que Kanye West n'ait pas la mauvaise idée de se pointer dans d'autres cérémonies importantes comme par exemple, je sais pas, l'enterrement de Patrick Swayze par exemple. Ladies and gentlemen, we are ici pour célébrer the memory stick of Patrick Swayze. En mourant, on peut dire que Patrick nous fait le remake de Ghost. He was a very good actor and the best dancer. Patrick knew... Wow, wow, wow! Excuse me, but Michael Jackson dansait beaucoup mieux que Patrick Swayze. Wow, wow, wow! Excuse me, but Michael Jackson dansait beaucoup mieux que Patrick Swayze. Bon, il a peut-être pas tort, hein, mais de là à venir quand même lui pourrir son enterrement, sérieusement, Kenny, il va falloir penser à arrêter de déconner quand même. Hein. Bon, d'abord les MTV Awards, maintenant l'enterrement de Patrick Swayze, et après ça sera quoi? Hein, Kenny, tu vas faire quoi après, hein? Nous pourrir les commémorations des attentats du 11 septembre? Hello, New York City. I am very ému to be here ce soir pour la commémoration du 11 septembre. Il y a 8 ans, Hélène Ségara a été élue interprète de l'année. The France a, elle aussi, connu des moments difficiles, mais ce 11 septembre 2001 a surtout été marqué by the biggest attentat of the world. Tout le monde ici se remember du World Trade Center, de Twin Tours à retomber dans le parterre. Ces attentats perpétrés par... Whoa, whoa, whoa! Yes, the World Trade Center, c'est pas mal. But I will want to dire que les attentats à Madrid étaient quand même bien mieux organisés. Kenny, c'est plus possible, là. Faut que t'arrêtes tes conneries, là. Ça va déraper, tu vas nous énerver, Ben Laden, il va tout faire péter. Arrête-toi! En plus, nous, en France, on a déjà notre idole du scandale, là. On n'a pas besoin de toi, non, vraiment. J'avoue que je serais vénère que Kenny détrône notre roi de la bourde, Brissou Superstar. Ouais, bah tais-toi, tu vas lui donner des idées au Kenny, là. T'imagines le jour où Brissou décide enfin de présenter ses excuses, si Kenny débarque, ce que ça pourrait donner. Accueillons Brice Hortefeux. Français de France, bonsoir. Je tenais à réagir face à la polémique dont je suis victime. Comme vous le savez, quand il y a une polémique, ça va. Mais quand elles sont plusieurs, ça pose des problèmes. Je tenais à exprimer mes regrets auprès de toute la communauté du couscous par rapport à ma vanne sur... Wow, yes. Elle est bonne, sa vanne. Mais je préférais celle de Chirac. Bah oui, rappelez-vous quand il parlait des blacks, le bruit et l'odeur. That is the meilleur van. C'est vrai que Chichi il avait fait aussi bien que Brissou hein, sur ce coup-là à l'époque. Bah c'était pas pareil hein. Chichi il a dit une connerie sans s'en rendre compte. Tu sais, c'est une sorte de lapsus quoi. Là Brissou il est en plein dedans, il y a pas de lapsus qui tienne. Ouais, hein. Et ça y est que Brissou pour le faire. C'est presque une marque déposée hein. Non vraiment. Bon sinon après les bootlegs de Kanye West lors des MTV Awards, il va y avoir du très très lourd dans un instant. On vous en a parlé la semaine dernière, on vous en a parlé hier. Ben de la prod de l'émission a bossé sur un bootleg énormissime qu'on va vous jouer en entier dans un instant. C'était parti du délire comme quoi Britney Spears voulait travailler avec Guetta. Ouais exactement ouais, mais ce n'est plus une rumeur hein. Selon la presse People, c'est officiel, il travaillera sur son album qui paraîtra en 2010. David Guetta, c'est parti, c'est The Star française aux USA ouais, maintenant. C'est clair, hein. Black Eyed Peas, Akon, Kelly Rowland, Estelle, Ne-Yo. Denis, hein. Ouais. Denis, ouais. Ça va, il se fait plaisir. Hein. Bientôt c'est lui qui va remasteriser l'album blanc des Beatles, tu vas voir. C'est ça. Puis non, il paraît qu'il va aussi bosser sur le nouvel album de Carla Bruni. Hein. Ah ouais, ça serait bon. Hein. Bref, il va lui redonner de la voix, il paraît. Ouais, ce serait pas mal, effectivement. Mais bah, il va de la musique. Sa voix, c'est ça, en fait. Non, mais qu'il mette juste de la musique, parce que les albums de Carla Bruni... C'est des chuchotements. Ouais. Musicalement, c'est un peu... Oui, c'est ça, il va enlever sa voix. C'est quoi. Un peu plat, ouais. Enfin bref. Bon, du coup, donc comme David Guetta cartonne en ce moment, j'ai voulu me pencher 2 secondes sur les charts. Alors tenez-vous bien, 9 de ses morceaux ont été classés. Il est resté au total 349 semaines dans les charts, putain. Soit 4060 jours. Improbable. Ça, tu m'étonnes, il a touché de l'oseille. Il a été classé dans 55 charts différents. Mais ça, c'est au total, mal. Mais je crois que son album, là, actuellement, c'est un carton. Hein. Ouais, alors commençons donc petit. Hein. Donc le morceau avec Kelly Rowland, c'est celui-ci. Hein. Ouais. When Love Takes Over. Donc que tout le monde connaît, est numéro 13 en France, numéro 35 en Angleterre et 7ème des téléchargements. C'est Cathy qui va être contente de toucher les royalties. Ah bah je te confirme, le morceau avec les Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Donc que tout le monde connaît évidemment, et numéro 1 au Billboard américain, numéro 5 en Angleterre. Ah ça c'est son fils Elvis qui va être content de toucher l'héritage. Et donc le single déconne, c'est Sexy Beach que tout le monde connaît aussi d'ailleurs, et numéro 2 en France, numéro 2 en Angleterre et premier des téléchargements. Et là c'est le trésor public qui va être content. mais bon c'était juste pour les singles. Hein. L'album One Love est troisième chez les British et deuxième chez nous. Ah, là par contre c'est Bill Gates qui va être content d'apprendre qu'il n'est plus l'homme le plus riche du monde. Et donc du coup bah, c'est normal que tout le monde veuille bosser avec David Guetta. C'est obligé que tu cartonnes d'ailleurs, on pourrait imaginer les duos improbables de David Guetta par exemple. Ouais, tu pourras avoir David Guetta versus Johnny Hallyday, que je te love. Ou Guetta avec Edith Piaf, l'hymne à la love. Ouais. Sinon il y avait David Guetta versus Didier Barbelivien à toutes les filles que j'ai lovées avant. Ouais, en fait non, là, on a préféré se concentrer sur ce que David Guetta pourrait faire avec Britney Spears et écouter tout simplement ce que ça donne. Voilà ce que ça pourrait donner donc hein, ça peut être juste chambé. Ça peut être pas mal hein, Britney Spears donc revu et corrigé avec bah par David Guetta en fait. Que veut dire bootleg? Bootleg, ça veut dire chaussure de la jambe. Ouais, c'est vrai que c'est d'où non. ça sort ça. Et par contre ouais, ça c'est sûr on va te demander de le remettre hein, ce truc là. Bah ouais si vous voulez après y a pas de problème, c'est Ben de la prod qui l'a fait en 25 minutes je crois vendredi. Ouais c'est bien foutu. Bon, hein. Il a un peu corrigé vite fait mais voilà en gros c'était ça. Donc voilà le son de Britney qui pourrait être revu par David Guetta et ça pourrait ressembler effectivement à ça. Michael, le podcast. Bon Pauline, toi tu t'as bossé chez France Télécom et comme on en parle depuis le début de l'émission, ah, oui. Comment ça va? Alors ça va parce que mon contrat s'est rompu. Ah. Mais c'est toi qui l'as cassé ou c'est eux qui t'ont viré? C'était un CDI de. Non un CDD de 2 ans et ils ont pas voulu le renouveler. Et ça tombe bien moi non plus. Oui bah c'est ça en fait, hein, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte pour que ce soit si dramatique que ça d'y bosser? Le management, tout simplement. Bah alors c'est-à-dire? C'est-à-dire, bah, moi déjà il faut savoir que j'étais au service après-vente téléphonique. Ah oui, donc déjà tu te fais insulter tout le temps. Voilà, donc déjà je me fais défoncer par les clients à longueur de journée. Mm-hmm. Donc déjà c'est pas ce qu'il y a de plus positif. Bon puis après derrière, ça tu l'as dans toutes les boîtes en fait, ouais, de service après-vente par téléphone malheureusement. Et derrière en fait c'était le management, c'était surtout sur les objectifs chiffrés. Ouais. Où toutes les semaines on se retrouvait face à face avec le manager qui en fait il y avait toujours un truc qui allait pas quoi. Putain, mais je sais pas. C'était vraiment des trucs. Ils allaient chercher la petite bête, genre. Voilà, ils allaient chercher la petite bête et sur des trucs sur lesquels on pouvait vraiment rien faire. Ouais, c'est-à-dire, genre, t'avais pas vendu assez de trucs, mais au final, si les gens ils t'appellent pas pour t'en demander, bah tu les vends pas, quoi. Bah voilà, par exemple. Mais je sais pas, franchement, à un moment donné, faut essayer de trouver du plaisir à envoyer chier le mec qui t'a de faire virer, quoi. Après c'est compliqué quand t'as 50 ans pour retrouver du boulot derrière. Ouais, c'est ça en fait le problème, c'est quand t'arrives à un certain âge, après ça devient chaud quoi, tu sais, tu peux plus te permettre d'ouvrir ta gueule comme tu peux l'ouvrir quand t'es plus jeune. Voilà, mais moi bah tu vois, je suis jeune, bah, j'ai que 20 ans. J'ai fait ça avec de l'alternance, c'est-à-dire que je faisais un mois université et un mois cours. Mmh. Et à la fin de mes 2 ans, mon manager faisait partie de mon jury pour mon mémoire en fait. Ah oula. Pour valider mon diplôme. Ah donc tu pouvais pas trop faire la maligne quoi. Ouais, c'est ça. Je pouvais pas ouvrir ma gueule. Ah ouais, c'est comme ça qu'ils en profitent, hein. Tu sais, ils en prennent plein d'alternances, comme ça ils sont sûrs qu'ils ferment leur gueule et qu'ils font leurs heures. Hein. Bah bien sûr, voilà, évidemment. Voilà, tout à fait. Mais alors sinon hormis ça, comment ça se passe? Tu voyais vraiment le mal-être avec les autres employés quoi, tu sais, parce que les vrais employés, enfin tu sais ceux qui sont en CDI quoi, sont vraiment en galère ou pas? Alors il y en a non, ils sont foutent, mais il y en a c'est vrai que enfin surtout ces derniers temps là, ils essaient de mettre un peu les gens dehors en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros ils essayent de demander aux gens de donner leur démission. Bah c'est-à-dire qu'en fait t'as un entretien avec ton manager et vous êtes sûr que vous voulez pas faire un truc à l'extérieur, vous avez pas un projet, vous avez pas un autre emploi en vue, etc. Vous voulez pas monter votre vraiment... entreprise. C'est quand même bizarre voilà. Que ça arrive plus ou moins au moment où la privatisation se met en place. Ouais c'est bizarre hein. C'est étrange hein. Effectivement c'est bizarre, nous allons enquêter là-dessus. Il faudrait d'ailleurs. Bon bah écoute, en tout cas Pauline, ravi que tu sois encore parmi nous. Moi j'étais motivée parce que je savais que je n'y passais que 2 ans. Ouais. Enfin c'est long 2 ans quand même. Oui, c'est vrai. Effectivement, ouais, mais c'est vrai que fin août on est arrivé, c'était la fin du contrat, mais c'est vrai que moi c'était pour dire forfait, quoi. J'ai que 20 ans. Ouais. Et je me suis déjà retrouvée en arrêt maladie pour surmenage et stress au travail. Ah ouais, quand même. À 20 balais t'es déjà en stress quoi. Et là tu fais quoi actuellement? Je travaille chez CFR. Non, je pars faire un an d'études au Japon. Ah, ça va. Tu vas où ça au Japon? À Nagoya. Fais gaffe parce que c'est un peu le stress aussi là-bas quand même. Hein. Enfin, au Japon, ouais, tu vois, il y a beaucoup de monde et tout ça, quoi. Ça va, c'est que pour les études, bah, pour te dire là-bas, je vais avoir 20 heures de cours. Ici en France, j'en avais 40, donc. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est bien. Hein. Vas-y, amuse-toi bien. Et je voulais te demander, avec France Télécom, tu sais, ils essayent pas de mettre en place des combines avec les opérateurs pour niquer les clients, tu vois? Alors apparemment si, moi personnellement au niveau du service après-vente on nous en parlait pas trop vu que ça ne nous concernait pas. Mais apparemment si, il y a une entente derrière, de toute façon ils sont bien déjà pris un procès et une amende par rapport à ça. Ils font quoi? Bah c'est-à-dire qu'ils t'as le patron de Orange, de SFR et de Bouygues qui se rencontrent. Ouais, et ils sont pris. On fixe à tel prix, on fixe à tel prix, on fixe à tel prix, comme ça tout le monde y trouve son compte et on pigeonne un maximum le client. Oui, c'est une entente industrielle en fait. C'est interdit hein. Ah, c'est interdit. C'est interdit, bah, ils se sont déjà pris une amende pour ça. Hein, ouais, ils sont partout sur Terre. En fait, ouais, c'est ça. Bouygues, ils prennent, ils disent, bon, bah, nous, on va faire le meilleur forfait sur tel secteur. SFR dit, ouais, nous, bah, écoute, nous, on prend ce secteur-là. Et Orange dit, bah, nous, on prend ce secteur-là. Et du coup, sur les autres, en fait, ils sont pas compétitifs. C'est-à-dire qu'en gros, tous les gens vont aller voir Bouygues pour avoir les, genre, les forfaits illimités, vont voir SFR pour les forfaits pro, etc. Et donc, du coup, comme ça, ils s'entendent sur les prix et c'est chacun son secteur, quoi. Voilà, ouais, gagnant, en fait. Et par contre, il y a un truc, ça, je peux vous le dire, parce que je sais que ça marche, hein. Mais il faut pas lâcher l'affaire quand j'en sais rien, par exemple vous avez une galère avec une facture qui est trop élevée, j'en sais rien, genre vous avez utilisé internet à l'étranger, vous saviez pas que c'était aussi cher, etc. Normalement ils font le geste commercial, mais jamais la première fois. Donc quand vous appelez la première fois en disant ouais mais c'est cher, ah, mais on peut rien faire, désolé, vous rappelez une seconde fois, puis une troisième fois, là vous faites une lettre en disant que vous allez porter plainte, vous allez envoyer à c'est comment le truc là, 60 millions de consommateurs. Et en général quand ils voient ça, comme par hasard, ils deviennent sympas. Donc quand ils vous disent allez, mais je parle d'Orange, ça vaut pour tous les opérateurs internet, tout le bordel, hein. Ouais. Dès que vous commencez à les menacer un petit peu, en fait ils le font exprès, ils savent, ils ont un budget pour ça, mais ils essaient de pas le gaspiller, ce qui est normal. Donc au début ils font rien en se disant une chance sur deux le mec il va plus revenir, on est tranquille. Et puis si vous insistez, ben normalement vous êtes tranquille aussi. Donc ouais, c'est comme ça partout, hein. Moi c'est la SNCF, ils avaient perdu mon billet, c'est-à-dire j'avais réservé par téléphone et j'allais le chercher au guichet, elle me fait ah non je retrouve pas. Et donc moi j'ai pris le train comme ça, j'ai expliqué au contrôleur qui m'a dit bah écoutez moi je vous fais l'amende, vous démerderez après avec eux et tout. Et donc les mecs ils m'ont envoyé un courrier en disant oui vous n'avez pas payé le train machin. J'ai renvoyé un premier courrier en expliquant toute mon histoire au mec, le mec il m'a répondu je m'en fous. Et je lui ai dit derrière bah écoutez on se retrouvera devant un tribunal et je fais part de tout ça à 60 millions de consommateurs. Plus jamais de nouvelles. Ah bah c'est ça, ouais, en fait il a fait une photo du bouton qu'il a sur le nez et ils ont eu peur. Ça dit merde putain, ça se trouve il va venir le péter devant nous, on va avoir les boules. Bon bah merci Pauline d'être passée en tout cas, je te fais des gros bisous. Moi aussi. Et on te file un an d'abonnement. En même temps je pars au Japon donc. Oui bah c'est pour ça que je le disais, parce qu'on est pas d'Orange, c'est pour le Japon. Hein. Vas-y Pauline. Alors petite dédicace à tous mes amis grenoblois que j'ai vus samedi, je les remercie pour la super journée. Et à ma petite Miss Niapi qui m'écoute en ce moment, je l'embrasse fort. D'accord. Bon ben le message est passé. Salut à toi Pauline, bonne à bientôt. Soirée, bye bye. Ciao, bye bye. On en reparlera tout à l'heure, dites-nous tiens, si vous avez bossé ou pas chez France Télécom là, est-ce qu'il y a le mal-être qui se ressent vraiment ou pas. Sinon, remontée spectaculaire pour Zurich face au Real 2-3. Oh, oh là. Deux buts en une minute. Ça c'est bon putain. Deux buts en une minute. Sinon, qu'est-ce que je disais encore, c'est tout. Sinon rien à bouger. Bon, enfin c'est pas mal. 2-3 hein. Alors qu'ils reviennent de rien. On n'est pas l'abri qui gagne encore, hein, Zurich, hein, ça remonte. Et puis sinon j'ai reçu un mail aussi de Julien qui dit salut Mike, je viens de voir ça sur YouTube. Je sais pas si vous étiez au jus mais c'est pas mal. Dans le titre, parodie toi plus moi. Oui, c'est nous qui l'avons faite. Hein, c'est pas mal. C'est nous qui l'avons faite la parodie sur Grégoire avec on toi aime plus bien. Moi. C'était l'année dernière. Oh, ils ont un peu de talent, hein. Ouais. Je pense que tu devras le mettre sur ton blog et demander aux gens s'ils veulent l'entendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mickaël, le podcast. Bon chéri, je t'ai fait cocu maintenant avec Céline qui est là. Bonsoir Céline. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Bah ça va, avec un peu d'appréhension mais ça va. Bah pourquoi Céline? Bah peur de la réaction, mais c'est pas grave. Ah bah oui, mais ça me dit chérie, je t'ai fait cocu ce soir. Oui, bah oui. Bon, tu vas jouer pour une... bah je sais pas, on appelle qui d'abord? Ah, on appelle monsieur ou madame? Madame. Ah, est-ce que vous aimez les consoles dans le couple ou vous préférez un autre cadeau? Bah on aime bien les consoles, ouais. Ouais, bon bah très bien. Bah vous allez jouer pour la nouvelle PS3 donc avec le jeu Colin McRae Dirt 2. Ok. Super. Je veux bien si jamais... Ouais, l'euro rachète 100 euros. Non. Ouais. Non, ça va. Le tout, le tout. Même la console, ça fait l'affaire. C'est près d'une manette, ça. Ouais, mais bon, écoute, pas mal quand même. Hein. Bon, ouais. Écoute, on va y aller. Donc, alors ce soir, donc Sandro, c'est une femme qui aime les femmes. Ouais. Ça fait plaisir. Bouffeuse de minou. En plus, elle était chaude comme la braise en antenne pour le faire. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que ça l'énerverait plus si elle te lâchait pour un mec? Si tu la lâchais pour un mec? Franchement, je pense pas. J'y ai réfléchi et à mon avis ça l'énerve plus pour une fille. C'est juste pour savoir, d'accord. Désolé, ah mais ça hein. Je l'ai dit hein. Non parce que c'est juste pour bien l'énerver quoi. Ouais bien sûr. Bon, alors, ouais, non, je pense que cet élan de professionnalisme te perdra un jour ou l'autre, fais attention. Bon, ton surnom toi c'est CC en fait, c'est ça? Ouais. Et elle t'a offert toi tu lui as offert, oui, une chaîne avec écrit je t'aime. Ouais, avec un cœur qu'elle a oublié chez moi. Avec un cœur, d'accord. Et donc ça, je peux dire que je l'ai récupéré, quoi. Ouais, bah ouais. D'accord. Elle me foutra un run, mais ouais. Et oui, bah, c'est le concept, hein, elle habite chez ses parents, elle? Non, non, elle habite toute seule. Et toi, toute seule aussi? Moi aussi. Ouais. D'accord. Pourquoi vous n'habitez pas ensemble? Direx. Bah parce que ça fait un an et puis voilà, on voulait attendre. Ah oui, c'est un peu tôt, ouais. Ouais. Très bien. Bon, eh ben écoute, on va l'appeler. Au plus elle s'énerve, au plus vous avez de chance de repartir avec les cadeaux. Et ouais. Si elle pleure, c'est perdu. Donc faut faire ça intelligemment, bien évidemment. D'accord? D'accord. Ok. Bon, et vous êtes censé rencontrer où? Vous êtes censé vous être rencontré où? Je vais y arriver. Par des amis. Ah, avec Sandro? Ouais. En fait, moi samedi j'étais un anniversaire où elle était pas là. D'accord. Donc j'ai pensé à ça. En fait, je me suis dit que ça aurait pu être. T'as rencontré une meuf là-bas, d'accord? Ok. Et ouais. Sandro s'appelle comment? On s'en fout. Bah, c'est pas Caro. Caro, bon. Caro, allez. Ouais. Ok, allez, pourquoi pas, on y va, c'est parti. On l'appelle, bonne chance Céline. Merci. Va droit au but. Ouais. Enfin, pas trop quand même, hein, monsieur. Allez. Toujours 2-1 pour... C'est un peu malheureux ce slogan. Ouais. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Allô? Oui, c'est moi. Chez oui, moi. Ça va mon cœur? Oui. Ça va et toi? Oui, ça va. Ça te dérange pas? Non, non, pas du tout. Non, c'est bon, t'es toute seule? Bah ouais, je suis sur le balcon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, génial. Non, en fait, je voulais te parler d'un truc qui me travaille depuis quelques jours. Ouais. Et donc voilà, donc en fait, si tu veux, bah samedi, tu sais que j'étais à l'anniversaire de Sab. Bah ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a, je te sens pas bien. C'est pour quel modèle? Non, bah en fait, voilà, c'est pour ça que je voulais t'en parler. L'anniversaire de Sab, donc bah il y avait des copines à elle. Ouais. Et donc, bah, en fait, je vais te dire les choses clairement, je vais pas tourner autour du pot, j'ai rencontré quelqu'un. T'as quoi? J'ai rencontré quelqu'un oui, à son anniversaire. N'importe qui rencontre quelqu'un. C'est-à-dire? Bah voilà, il y avait une meuf avec qui bah, le courant a bien passé, on a bien discuté, on a bien déliré, et puis bah du coup, en fait, on est resté chez Sab. Je suis pas rentrée chez moi. Ouais. Et puis, bah, il s'est passé ce qui devait se passer, on a été attirés l'une par l'autre. Non mais attends, tu rigoles là. Non bah est-ce que j'ai l'air de rigoler? Non mais attends. Non, tu sais bien que je rigole pas avec ce genre attends, de choses. Il faut que tu m'expliques là, c'est pas possible. Bah écoute, moi je te dis les choses clairement, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Caro, enfin il y a eu un bon feeling, il y a eu quelque chose dès le début. Allez et, Caro. Tu es en train de me dire quoi là en fait? Je comprends pas. Bah, je suis en train de te dire que voilà, que samedi, ben je t'ai trompée. J'ai rencontré quelqu'un d'autre et. Et voilà quoi, ça s'est bien passé, on a fait... Cécile ? Oui, attends, c'est qui là ? Cécile, tu peux m'accrocher le collier ? Bah en fait, voilà, c'est Caro. C'est Caro, quoi voilà, c'est pour ça, bah ça passe. Attends, tu m'appelles pour me dire que samedi tu t'es tapé une meuf et que là, elle est chez toi. Non mais ouais. Tu rigoles là. Bah écoute, t'étais pas censée savoir qu'elle était chez moi. Moi, à la base, je m'appelle pour m'expliquer avec toi. Attends, hey, tu m'appelles, tu m'annonces... Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Je t'aime, là, putain, je peux le prendre ? Oui, prends-le, collier, vas-y. Prends-le, le collier. Ah, c'est mon collier. Merci, Zézé. C'est mon quoi? C'est mon collier. De toute façon, voilà, on va se séparer, donc c'est mon petit peu offert autant que je le garde. Ah, carrément. Tu regrettes rien, là, en fait? Bah, franchement, non. Je peux te le dire clairement, je regrette rien. Ça s'est super bien passé. J'ai fait des choses avec elle que j'ai jamais pu faire avec toi. C'était, voilà, c'était le pied total et je sais que c'est dur à entendre. Non, mais attends, c'est pas attends, attends, attends, attends, attends, tu me laisses parler, là. Bon, c'est bon, tu m'appelles. Là, non, mais elle va pas se taire, là. Attends, on va pas faire la gaffe parce que là ça va pas aller. Mon cœur. Oui. Ah carrément. Oui, mais. Bon, écoute, dans tous les cas, voilà, moi je t'appelle pour non, dire que voilà. Ah ouais, et puis là tu te sens bien là maintenant. C'est bon. Bon, allez, bah, c'est maintenant, c'est là, c'est tant pis, bon, samedi t'es sorti, je te faisais confiance. Ah non, ça fait quasiment un an qu'on est ensemble et là tu m'appelles pour me dire comme ça. Puis là t'es avec elle, c'est normal quoi. Bah et ouais. Et j'ai pas mon mot à dire. Bah, de toute manière, pour moi, ma décision est prise. Voilà, je sais que c'est dur à entendre. Tu sais bien que je t'ai aimé pendant un an. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait encore plus vibrer. Bon, ouais, c'est toi, qui, m'as aimé, là, moi, c'est je t'aime bon encore, maintenant. Tu vois. C'est qui? Non, mais elle veut pas... Je veux plus l'entendre, là. Je peux pas l'entendre. J'ai déjà allô, du mal à digérer, hein. Alors si je l'entends... Oui. Oui, bonsoir. Et ouais, salut. Salut, c'est son ex. Qu'est-ce que tu veux? Bah toi, qu'est-ce que tu veux? Tu nous déranges, ouais, bah, il est super tard là. Ma copine, s'il te plaît, parce que là, ça va pas le faire. Là. Oui, mais elle a pas envie de te parler, non, mais là, c'est bon. Tu repasses ma copine parce que ça va vraiment pas le faire. Écoute, je veux pas t'entendre. Écoute, je suis quelqu'un de très jalouse, donc on va pas se prendre la tête, hein, d'accord? Non, donc carrément. Elle t'a expliqué ce qu'il en était, ah, non, maintenant c'est bon. Tu me la repasses, je veux pas t'entendre. Mais non, je te la passerai pas. Elle a été claire avec toi. Mais attends, meuf, elle a été claire avec toi, non? Ah non, mais je suis en train d'halluciner là. Tu me repasses ma copine parce que ça va vraiment mal aller. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Putain, je suis super polie, je suis en train de peser mes mots. Tu me repasses ma copine. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Dorénavant, quand tu auras envie de lui parler, ma tu passeras par moi. Je vais te laisser mon numéro. Ah, carrément? Ouais. Ah non, mais moi, j'ai aucun contact à vrai. Bah, en tout cas, t'en auras pas avec elle. Bon, tu me la repasses là. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Elle vient de te dire que la relation était terminée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu me la repasses parce que ça va vraiment pas le faire. Non mais si ça va pas, on peut discuter, il y a aucun problème. Moi je suis dispo, je suis là pour toi. J'ai besoin de parler avec toi. Je sais ce que c'est que de se faire larguer. Enfin non, je sais pas ce que c'est parce que ça m'est jamais arrivé. La merde dans un couple, donc tu te casses. Attends, c'est l'amour est arrivé comme une évidence, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Non, non, mais il n'y a pas d'évidence qui tienne, tu me passes ma copine. C'est une amie hein, maintenant, tu d'accord me la passes. Écoute. Oui, bah d'accord, allez, bah, passe-moi mon ex. Tiens. Qu'est-ce ça que tu veux lui dire? On sort ce soir ou pas là? Oh là là, mais attends, laisse tomber, là, je suis dans une tannée, il y a l'ex de CC, elle lâche pas l'affaire, laisse tomber quoi, bientôt elle va nous faire des trucs de suicide. Oh là là, quelle galère! Je sais pas quoi faire, hein. Tu veux pas la prendre pour voir? Bah si tu veux, mais bon, je sais pas, moi, comment elle s'appelle? Allô? Ouais. Ça va ou quoi? Ah bah ouais, ça va super, ouais, c'est qui? C'est Michel. Et vous faites un plan à trois ou quoi? C'est quoi le délire? Ah bah comment on t'a dit? Qui t'a dit? Vas-y Michel, elle est pas fermée aux hommes. Bon vas-y, allez c'est bon, ça me fait vraiment vraiment pas rire. Allô ma copine, tu me passes Céline parce que... Elle a besoin de vraiment pas. Bon, bah... Non, elle ferme sa gueule, là, sa gueule, là, la grande conne, où elle passe ma copine ou quoi? Non, mais c'est bon là. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe là dans l'histoire? Parce que moi, non, je, non, moi mais je débarque. C'est quoi Céline là? Ouais, hein? Bah tu débarques, bah tu me passes Céline. Elle veut me piquer ma meuf. Je pique la meuf à personne, tu me passes Céline. Reste calme. Si je l'entends encore cette connasse, je crois que je vais me la faire. Ah, d'accord, t'aimes les femmes qui aiment les femmes. Mais oui, elle veut me piquer CC. Ah, ok, bon, bah, j'avais pas capté ça comme ça. C'est Céline que j'arrive là. Bon, mais t'arrives où? Elle est chez nous. Parce que je fais coloc avec Caro. Je suis en train d'halluciner. Bon bordel, vous me passez ma copine parce que là je vais... Bon alors tu sais quoi, écoute, je fais une petite réunion avec les filles, je te rappelle, d'accord? Quoi? Je te fais une petite réunion avec les filles, je te rappelle. Non, non, il n'y a pas de réunion. Bon, à tout de suite, hein. Je passe ma copine. À tout de suite. Ouais, ciao. Hop là, voilà, faire plier. Céline. Oui. Bon, on la rappelle dans 3 minutes. Elle est retendue du string. Un petit peu, ouais. Mickaël, le podcast. Céline. On laisse galérer, putain. Bon, on l'appelle, hein, la pauvre. Ouais. Elle doit être dans un état, là. Je l'appelle. Attends. C'est Michel. Allez, Akila. C'est bizarre comme nom. Dis qu'on a fait la réunion, qu'on a décidé qu'elle devait plus appeler Céline. Ouais. C'est italien, je pense, Akila. Je sais pas. Allô? Ouais. Akila? Oui. Ouais, salut Akila, c'est Michel. Qu'est-ce que tu veux, Michel? Bon, j'ai vu les filles, là. Ouais. Bon, finalement... Oh, tu comprends pas que j'en ai rien à foutre, là, de ta gueule de con? Bah, reste calme. Tu vas pas me passer ma copine, bordel de merde? Bah, reste calme. T'attends quoi là? Que je pète un câble? Putain, mais tu me la passes, merde! Mais enfin, j'ai juste dit que j'avais vu les filles. J'en ai rien à foutre, tu me passes ma copine maintenant là. Mais c'est incroyable cette agressivité là. Bon, allez, dis-moi, ouais, Michel, c'est bon. Non, mais qu'est-ce qu'elle veut cette pétasse encore? Bon, à l'unanimité là, faut que t'arrêtes d'appeler, faut que t'arrêtes de l'ennuyer, Céline. Hein. Non, mais je suis en train de virer là. Hein? Ouais, ouais, t'as été virée. Passe-moi, ouais. Céline. Ouais, ouais. Quoi? Passe-moi, Céline. Bon, c'est la dernière fois, tu lui dis adieu et puis basta cosy. Hein. Ouais, ouais, vas-y. Bon, je te la repasse. Allô. Ouais, tu me fais quoi là? Bah, je te fais quoi? Je te dis les choses clairement. Ça y est, c'est terminé. C'est non, terminé, non, mais tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Bah, je suis obligée de faire ta sale garce là? Tu pouvais pas me le dire simplement? T'étais obligée de me passer toute la terre là? Simplement. Je t'ai dit simplement. Mais t'es vraiment une sale traînée en fait. Te laisse pas faire. Moi, je me suis crevée pendant un an. Je me suis crevée pendant quasiment un an. Pour donner du bonheur, pour donner de l'amour, moi, je t'aimais. Oh, ça va. On va pas verser une larme. Je peux plus les entendre là. Non mais c'est vrai quoi. Bon allez c'est bon, c'est maintenant, tu raccroches. Bon allez c'est bon, on pleure comme ça, tout le monde va pleurer. Hein, voilà. Ah non, tu vas pas faire pleurer ma puce quand même. Céline, hein. Tu m'écoutes. Mais je t'écoute, Non mais tu t'isoles là. Te laisse pas faire chérie. Non je m'isole pas, je suis avec ma nouvelle, je crois que je vais venir. Non non mais là je vais la défoncer. Non non mais je vais venir, c'est pas possible. Bon Non je veux plus les entendre. Tu t'isoles bordel. Caro, on va faire une partie de PS3. Tu peux pas avoir un minimum de respect? Mais de respect, j'en ai eu, c'est toi qui montes sur des grands chevaux, là, c'est bon, tu commences à nous casser les couilles. Moi, c'est ça, elle s'énerve pour rien, là. Moi, je me suis saignée vers mes parents pour annoncer notre amour, et toi, rien du tout. Oh tu veux que je leur dise, moi, à tes parents? Bon, allez, je vais pleurer. Tu veux qu'ils le sachent? Mais c'est bon, tu viens, là, tu m'appelles, tu t'as traîné avec l'autre pétasse, l'autre connard. Tu m'as traîné, tu dis clairement les choses, c'est toi qui les comprends pas. Non, tu dis pas clairement les choses, t'as pas besoin de les dire avec les choses. Non, non, tu pouvais me les dire toute seule. Oh, Akila! Hier, tu devais venir, t'es pas venu. Vous pouvez pas me le dire en face, hein. C'est pourquoi, parce que... Akila ! Ta gueule ! Quoi ? Il veut quoi ? Ta gueule ! Attends. Ta gueule ! C'est qui dit ta gueule, là ? Ta gueule ! C'est Caro ? Ta gueule ! C'est Caro ? Ta gueule ! Ouais. Mais bah dis-lui bien, cette sale pute, là, que si elle continue, je vais la niquer. Ta gueule ! C'est clair ? Non, c'est bon, ça, je m'en occupe. Dis-lui qu'elle s'arrête, parce que je vais vraiment la niquer, là. Ferme ta gueule, espèce de connasse, va. Ta gueule. C'est bon, elle s'éclate, là. Ta gueule. Ouais, vas-y, bah, je vais la laisser parler, écoute. Hein. Ta gueule. Tu pourrais au moins avoir le courage de parler tout seul. Hein. Oh là là là là là là. Bon, moi, j'ai personne derrière. Akila. Quoi j'ai entendu quelqu'un derrière toi, alors elle la ramène pas. Hein. Non, mais c'est Micha qui parle trop fort. Ouais, oui, merde, c'est vrai. Putain. Moins fort, Micha, combien de fois on va te le dire. Là, bon, Akila. Bon, allez, c'est bon, vous m'avez gonflé. Mais non, non, raccroche pas, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Allô. Ah merde, partie, ouais. 5-2 hein, pour le Real de Madrid. Hein. Oh la vache. Ils ont mis deux buts. Deux buts. Ouais, t'as pas fini ta phrase. Ouais, ouais, non, mais ils ont mis deux buts. Mais ouais, mais Cristiano Ronaldo à la 89e et Guti, enfin, Guti. Vous emmerdez là. Gutiérrez. À la 94e, donc c'est vraiment pour les pour terminer quoi. Pas de but de Benzema. Ouais. Et un rouge pour Porto. Oh, mais bon, tu peux la rappeler la là quand même là. Oui, bah je l'appelle une seconde. Putain, ils ont perdu, ils ont pris un rouge. Oui. Bon, oui, Akila. C'est encore nous. Non, mais non, Marseille a perdu, hein, je passe au courant. Mais je n'ai rien à branler, moi. Ah bon? T'es pour Bordeaux? Ouais. Mais moins fort, Micha. Bon, Akila, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, c'était le chéri, je t'ai fait cocu. Quoi? Je disais, Akila, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, c'était le chéri, je t'ai fait cocu. C'est une blague, là? Bah oui. Ça s'appelle une oui, blague. C'est une blague. Oh, merde. Céline, explique-lui. Ah, bah voilà. Non, allô, elle est partie. On va galérer là. Là, c'est pas gagné, Céline. Hein. Bon, on va te laisser, Céline. Tu peux lui annoncer son cadeau là. Bon, dis-lui que y a la nouvelle PS3, le jeu. Dis-lui que ça vaut 350 euros. Ouais, c'est ça. Hein, en France, ça fait combien? Non, ça vaut 370 euros. Allez, on rappelle. Vas-y hein, Céline, moi je parle plus parce que j'ai l'impression que je me fais accrocher au nez tout le temps. Je te laisse dans ta merde. Hein. Allô? Une seconde. Allô? Oui, c'est moi. Écoute, calme-toi, laisse-moi parler. Écoute-moi, laisse-moi parler. C'était juste un jeu à la radio. C'était juste un jeu à la radio, c'était pas vrai, c'était tout inventé. Non, mais là, il s'est rien passé. Non, je te promets, je te le jure. C'était un jeu à la radio, c'était un jeu sur... Mais ils sont toujours là, t'inquiète pas. C'était juste un jeu sur Énergie, du coup on a gagné la PS3. La nouvelle. La nouvelle PS3. Et c'est censé être marrant, là. Bah non, c'est bien marré, hein, t'as vu. C'est bon, c'était marrant, c'était plus un jeu qu'autre chose. Je vais faire une surprise, c'est normalement la semaine prochaine, t'aimes les jeux vidéo, bah voilà, on n'a pas les moyens de se la payer, bah au moins tu l'auras. C'est vrai. Ouais. Bah écoute, je me suis bien marré. Mais t'inquiète, de toute façon, là, je vais passer de voir, t'inquiète. T'inquiète, y'a rien du tout. Donc là, on m'entend, là. Ouais, là, t'es à la radio. Eh ben vous êtes une bande d'enfoirés. Merci, c'est gentil. Écoute, franchement, nous-mêmes, parfois, on a du mal à se définir. Mais, ta meuf est pire que nous quand même parce qu'elle est perverse parce qu'elle s'est inscrite au jeu. Oui, ouais. C'est vrai parce que nous on l'a pas appelé. Mais c'est ouais, elle en fait. Je hein. vais lui offrir la console. Akila, qu'est-ce que tu fous avec une meuf pareille? Tu mérites mieux quoi. Bah ouais, quand même, mais je vais la garder quand même. Elle va faire une PS3. Hein. Ah, mais t'as vu ouais. Ah, elle va faire une PS3. Ah, du coup, ça va mieux. Hein. Maintenant, c'est bon, on rigole. Ça y est, c'est la fête. Hein. Moi, bon. Je rigole jaune, mais je rigole. Ouais, mais t'inquiète pas, tu vas rigoler noir quand t'auras la PS3. Ouais. Comme la console, la noir couleur mat. De la console. Bon, les maths. Elle vaut pas quand même. Hein. De quoi? Elle vaut mieux quand même que la PS3. Ah ça je sais pas hein. Qui? Bah Céline. Franchement l'euro entre sa meuf, entre une meuf et la PS3, je crois qu'il prend la PS3. Hein. Mais non, j'en ai déjà une. La nouvelle? Non mais non, ça m'intéresse pas moi d'avoir une nouvelle. Je préfère l'ancienne est plus belle. Bon bah d'accord, elle ça brille. Fera plaisir à Sony tiens. Ah bah oui, c'est Sony aussi la première. Ouais ouais, je sais bien ouais. Bon, on va vous filer la console, la nouvelle PS3 et le jeu Colin McRae Dirt 2, d'accord? Ah bah c'est super gentil, merci bon, beaucoup. Je vous fais des bisous les filles. Merci gros bisous. Ciao. Bon et Akila, comme t'as tout raté, tu vas pouvoir tout réécouter sur mikael.fm ou sur les podcasts sur iTunes. Donc je vais m'entendre là. Ah tu vas t'entendre, ouais. Gueuler, ouais. Insulter, enfin tout ça quoi. Ok, bah désolé de vous avoir insulté. C'est pas grave, t'as juste insulté la machine. Ta gueule. Voilà, c'est. Ta gueule. C'est juste une machine, rien de bien grave, tout va bien, y'a pas de problème. Bon gros bisous les filles. Gros bisous. Salut à vous deux. Mickaël, le podcast. Bon, et j'avais dit donc qu'on parlerait des mensonges. Allons-y donc, c'est une étude britannique qui est sortie. Donc les hommes auraient une tendance à mentir deux fois plus souvent que les femmes. Ah, quand même. Ah bon. Et ouais, donc 6 mensonges par jour pour les hommes contre 3 seulement pour six les femmes. 6 mensonges par jour. Ouais, par jour. Ouais. Il est étonné parce qu'il en fait beaucoup plus. Hein. Ouais. Non, il dit, tiens, c'est bizarre. Ouais. Donc la cible de leurs mensonges, donc leurs épouses ou leurs collègues. Ouais, mais ça c'est logique. Les meufs à l'arrache, ça compte ou pas? Non, bah non, leur copine. Ah ouais, parce que Top, c'est vrai qu'il explose le record, lui. Ah là, ouais, par contre, il flingue le truc. Hein. Enfin, en même temps, leurs épouses, c'est au pluriel. Ah, oui, mais non, mais bien sûr, bon appétit, Otaf. Mais oui, leurs épouses, non, mais c'est juste parce que c'est le sondage sur les hommes, et donc c'est pour ça qu'on dit leurs épouses. Donc les mensonges masculins les plus courants concernent leur consommation d'alcool et la raison pour laquelle ils n'ont pas décroché leur téléphone, tandis que bah, les mensonges féminins relèvent plutôt de leurs achats, par exemple. Ah, c'est clair, putain. Genre, t'as acheté combien ce sac? 20 euros. Non, mais je l'ai pas acheté, je l'ai depuis des années. Ouais. Voilà, c'est un vieux sac, tu t'en souvenais pas? Non, ouais. C'est vraiment des trucs que je dis tout le temps. Ouais, bah, ouais, c'est ça. C'était combien? Bah je sais pas, tu sais bien que je regarde pas les prix. Non, ah oui, Sandro c'est sur la bouffe aussi, hein, mais t'as déjà bouffé. Non, non, non, putain, j'aimerais bien le manger, mais... Hein, non, bah non, là je suis au régime, tu sais. J'ai commencé il y a 6 ans. Bon, la raison essentielle donc pour tous ces petits mensonges quotidiens est la même pour tous, donc homme ou femme, c'est pareil. Les menteurs veulent s'assurer de ne pas créer de problème dans leur couple et faire croire à l'autre que tout va bien. Ouais, voilà. Par hasard. Bon, et donc les 5 bobards les plus fréquents de nos amis hommes... Attention, numéro 5, number 5. Nos amis les hommes, on dirait que tu parles d'animaux. Animaux, ouais. Bah c'est un peu ça. Hein. Numéro 5, je peux pas, je suis bloqué dans les emboutes. Ah, c'est top. J'avais dit au début d'émission pour ceux qui étaient là, il y en a 3 dans le top 5 que Toff raconte tout le temps. Ah, mais ça c'est Toff qui nous a fait il y a un an je crois, pendant l'été, qui devait nous rejoindre pour nous amener je sais pas où. On avait rendez-vous à 14h, il est arrivé à 19h. Parce qu'à 14h, il était bloqué dans un embouteillage. Non mais attends, mais je l'ai baisé la dernière fois. Enfin, façon de parler. Hein. On avait rendez-vous, on avait un déj. Et je lui dis... Ah ouais, un déj. On avait un déj et je lui dis... ouais, bon, bah, il est 13h là. Oui, et bien, je suis dans un embouteillage. Je fais, ah bon? Puis je regarde sur l'iPhone parce que j'ai Paname Trafic sur l'iPhone. Et donc, il était super fier. Alors que... Pour une fois, j'étais vraiment dans un embouteillage. C'est ça. Et comme par hasard... Alors, j'ai confiance en Paname Trafic en général. Ils disent pas des conneries, quoi. Tout était vert, il n'y avait pas de problème, tout allait bien, c'était fluide. Comme tu dis, pour une fois, oui, c'est pour toutes les autres fois. Ouais, c'est ça. Cette fois-là, il y avait vraiment un camion devant moi qui était en panne et qui bloquait. Camion sur 5 bandes. Ouais. Mais 5 sur le périph'. Ouais, si tu remarques bien, il dit toujours pour une fois en plus que c'était vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Bon, numéro 4. C'est comme hier ou avant-hier, on lui demande, bon Toff, quand est-ce que tu nous payes là? Ça commence à dater. Ah ben, pour une fois, j'ai pas fait exprès. Donc d'habitude il fait exprès de nous payer en retard. Bon, numéro 4, je n'avais pas de réseau, ma batterie était morte, désolé, j'ai manqué ton appel. J'avais pas de réseau, ouais, non, ça. Non, ça va encore. Ici. Non, non, c'est vrai. Numéro 3, non, ce pantalon ne te fait pas, ne te donne pas un gros cul. Pourquoi tu rigoles, Roux, espèce d'enfoiré, hein. Parce que c'est typiquement le genre de truc qu'il y avait, ouais, ouais, effectivement. Ça, c'était un mensonge, tu vois. Non, non, ouais, franchement, je suis assez franc pour dire que c'est pas beau quand... Mais non, non, franchement, c'est bien, hein. Si les meufs étaient pas relous à nous demander constamment ah mais ça va là, c'est le bien. Pire, ce qui m'énerve le plus, c'est quand t'as une meuf qui dit t'as même pas vu que j'ai maigri, et tu dis mais si t'as maigri, ouais je l'ai vu, ouais tu dis ça parce que je l'ai dit, et du coup elle râle. Alors si tu dis non, effectivement je l'ai pas vu, elle râle quand même. Voilà, dans tous les cas elle râle. Mais ça vous fait chier quand on vous demande votre avis pour saper, puis dès qu'on met une petite jupe, là par contre vous gênez pas pour le donner l'avis, hein. Ah ouais, ouais, par contre là moi je suis content. Non mais c'est comme quand les meufs disent plutôt qu'est-ce que je mets? Bah je sais pas. Elle veut pas Karl Lagerfeld. Non mais tu vois, non mais moi je te demande pas, tu demandes pas l'avis de ta meuf pour savoir ce que tu mets, tu t'habilles, tu prends le premier truc qui arrive, moi, tu vois. Non mais ouais, faites pareil. Et sinon c'est la meuf qui arrive, ah t'es bien habillée comme ça. Pff, tu dis ça pour pas que je me change. Non. Ça va, ouais, ou alors le ça va si je mets ça? Ouais c'est bien. Ouais c'est bon, on est en retard, ok j'arrive. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux, ouais. Bon, numéro 2, donc, je bois ma dernière bière et j'arrive. Ouais, ça c'est vraiment un mensonge de mec, ça. Ouais, ça c'est roux. Non, franchement, non. Je bois pas de bière, donc ça peut pas m'arriver. Oh bah non, bah, presque pas, ouais. Et alors, numéro 1, je vais bien, y a aucun problème entre nous. Ah ouais, ça c'est numéro 1. Ouais. Putain. Ça c'est le mensonge plus souvent cité par les mecs. Ouais, mais pour le coup, c'est une phrase un peu bateau, donc... Bah pour le coup, ouais, mais enfin bon, quand même, Toutes les meufs qui doivent entendre ça de leur mec, elles vont commencer à bader pour pas grand-chose. C'est vrai, mais enfin, c'est la plus citée quand même, hein. Donc voilà, bon, comme ça vous fait... Et on voit bien que je bois ma dernière bière et j'arrive, c'est une étude britannique, hein. Ouais. C'est vrai. Mickaël, le podcast. Faisons un tour du côté du mag, maintenant, pour une fois, on est presque à l'heure. Allez hop, c'est parti. Bienvenue dans le mag du jour, de l'actu condensée à notre sauce. On perd pas temps et on démarre avec les titres du jour. Éric Besson, le ministre de l'immigration, a refusé de signer le décret d'application sur les tests ADN pour le regroupement familial, ce qui provoque un tollé de la part des députés UMP qui ont voté la loi. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas la mettre en application parce que les consulats n'étaient pas équipés pour ces empreintes digitales. Pardon. Alors qu'on sait bien qu'en vrai, il redoute juste qu'avec les tests ADN, on finisse par se rendre compte qu'il n'a jamais fait partie de la grande famille du PS. En réalité, Nicolas Sarkozy est vraiment un mec sans gêne. Voilà. Bon, Muntanzer Al-Zaidi a été libéré aujourd'hui à Bagdad. Souvenez-vous, en 2008, il avait jeté ses chaussures à la tête de George W. Bush lors d'une conférence de presse. Il avait été condamné à 12 mois de prison, mais a bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite. Il a donc été accueilli en héros par tout le monde arabe, puisqu'il était devenu le symbole de la résistance contre les États-Unis. D'ailleurs, la chaîne Al Jazeera va faire une adaptation de Bioman hein, pour le monde arabe. Ça va s'appeler Babouchman. Babouchton. Basket ou croque, le plus grand lanceur de chaussures. Babouchman, héros du Proche-Orient. Merci héros, tu peux t'inscrire à la nouvelle star si tu veux t'inscrire même. Bon allez, suivant, une petite fille est née hier à 300 km/h dans un Thalys reliant Paris à Cologne en Allemagne. Comme cadeau de naissance, le directeur général de Thalys a offert un pass à vie sur la ligne de la nouvelle née en fait. Ouais, après l'accouchement, la mère a déclaré: si j'avais su, j'aurais accouché sur un vol Paris-Nice. Bon, on passe au sport maintenant et on parle de rugby puisque les dieux du stade ont 10 ans. Ces beaux rugbyman musclés qui posent nus et en noir et blanc vont être photographiés cette année par Tony Durand, le photographe hollywoodien qui est notamment connu pour son travail avec les stars américaines comme Brad Pitt ou Jennifer Lopez. Et d'ailleurs, pour fêter les 10 ans, Max Guazzini a demandé à tous les modèles du tout premier calendrier de poser et pour l'occasion, il va le rebaptiser les vieux du stade. Et par contre, moi j'ai vu deux photos en avant-première dans le Parisien. Il y avait le seul footballeur présent cette année, Jérémy Clément, et le joueur du stade français Lionel Boxis. Ils étaient ridicules. Ah ouais. Ouais, moi aussi j'ai vu les photos hein. Pour le coup j'aurais plutôt dit que c'était Jérémy Guément et Lionel Bossex. Allez, football maintenant. Le président français de l'UEFA, Michel Platini, a fait adopter aujourd'hui sa proposition baptisée fair play financier, consistant à contraindre les clubs engagés dans les compétitions européennes à ne pas vivre au-dessus de leurs moyens. Ces nouvelles règles, qui entreront en vigueur lors de la saison 2012-2013, empêcheront en principe les clubs de dépenser davantage que leurs revenus. Le fair play financier, c'est ça? Ouais. Bah, ça serait bien qu'un autre président français s'en inspire. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, pour en parler justement avec nous ce soir, nous avons un consultant footballistique. C'est pas au téléphone, on devait l'avoir au téléphone, mais comme il est passé tout à l'heure, Zizou, Zinedine Zidane, bonjour. Bonjour. Comment? Bonjour. Ah, bonjour, très bien. Je ne vous demande pas ce que vous avez pensé des matchs qui ont eu lieu tout à l'heure. Non, c'était un peu sympa. Non, j'en comprends rien, pas aller plus fort. Comment? Si, c'est dommage pour l'Olympique et le Marseille. Non, Jack met plus fort sur son micro, c'est pas possible, on entend rien. Comment? À fond, ouais. Je dis c'est dommage pour l'Olympique et le Marseille. Oui, bah c'est dommage. Bon, vous en pensez quoi du fair play financier de Michel Platini? Bah, moi je suis pour le fair play. Hein. J'ai toujours été fair play sur le terrain. Oui, bah, oui. Jamais un geste de travers. Ah non, ça a été droit. Hein. Je supporte pas les joueurs qui agissent sur un coup de tête sans réfléchir aux conséquences. Oui, mais enfin, on parlait du fair play financier, Zizou. Fair play financier. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il faut arrêter. C'est trop. Le football français est complètement pourri à cause de ça. Hein. Ouais. Il faut vraiment que l'État soit plus fair play au niveau des impôts. Parce que c'est pour ça que tous les joueurs sont à l'étranger. Qu'on a un championnat de merde, c'est normal. Non mais Zizou, le fair play financier, c'est pour empêcher les clubs de dépenser davantage que leurs revenus. Ouais, c'est une bonne idée. Mais vous savez, chez moi à Marseille, quand on a acheté un match ou un joueur, on n'a pas dépensé plus que le revenu. Ce sont plutôt nos dépenses qui sont revenues. Bon, très bien. Bon, j'irai compris, mais c'est pas très grave. Bon, mais merci d'être venu, Zizou, hein, quand vous voulez. Hein. Ah, de rien. Je voulais juste te dire, je vais peut-être poser pour les dieux du stade. Ah. Vous savez, le calendrier où on est tout nu. Là. Ouais, ouais, ouais, ouais. Comme ça, vous verrez deux Zizou pour le prix d'un. Très bien. Merci, Zizou. Au revoir. Hein. Ça va. Oui, très bien, parfait. Allez, on passe à autre chose ou pas. Direction le con du jour. Et notre con du jour est américain. Et il est un peu fleur bleue hein. Ah, c'est mignon, ouais. Ça se passe à Chicago. Donc ville connue grâce à Al Capone. Et mon con est un voleur. Mais il reste humain. Vous allez comprendre pourquoi. Donc mon con a été arrêté et accusé de vol aggravé. Ouais, enfin jusque là c'est pas vraiment un con. Non, notre voleur, avec trois de ses potes, a décidé d'agresser Diana Martinez, qui venait juste de se garer devant chez elle. Bon, déjà, c'est un con, ça se fait pas d'agresser quelqu'un. Ouais, ouais, je te confirme. Ils lui ont pris son porte-monnaie et celui de son ami. Alors, Diana s'est mise à crier, à hurler et à les frapper. Et là, il y a un voisin qui a réussi à les faire fuir. Courageux, et... le voisin, quand même. Hein, ça, bravo, il y en a pas beaucoup qui feraient ça. C'est vrai. Du coup, notre pauvre Diana essaye de se remettre de ses émotions. C'était sans compter sur la connerie de mon con. C'est-à-dire quoi, le con il est revenu? Exactement, mon con est revenu, mais pas pour la buter ni pour l'agresser. Ouais, vas-y. Enfin, pour le coup, c'est un con, hein, cela dit, hein. Mais bon, bref, et puis. Ouais, ouais, non, le mec en fait il aurait pu s'enfuir sans problème, bah, mais, ça, hein. Mais voilà, il est revenu sur la scène quoi. Et il a quoi? Il avait oublié son portable, ses clés? Pas du tout, il est revenu pour demander à Diana si elle avait un petit ami. Et il l'a invité à sortir avec lui. Quel con alors. Et l'histoire ne dit pas si elle a dit oui. En tout cas, mon con est en prison et ses deux potes sont toujours recherchés. Oh, c'est beau l'amour, même les cons ont le droit d'être amoureux. Ouais, oh, même les mignon. Cons ils ont des coups de foudre. Ouais, c'est vrai, ouais. Il faut quand même être con. À la limite, tu te casses, tu reviens un peu plus tard et t'essayes de la brancher. Une heure après quoi. Ouais, c'est vrai. Allez, on termine ce mag du jour en faisant un petit tour du côté des déclarations débiles de nos amis les stars. Qui a dit: est-ce que tu considères que la tour Eiffel est un sexe en érection? Ça n'est pas la tour Eiffel qu'il y a dans ma chambre, c'est une œuvre d'art. Si quelqu'un y voit un sexe, on a qu'à me le dire. Lady Gaga. Non. Ah, je sais qui c'est. Putain de merde. Jean-Luc Delarue. Bonne réponse du Roux. Ah, effectivement, ouais. C'était Jean-Luc Delarue dans le 6-9 qui répond à l'article du Parisien sur une statue en forme de bite qu'il aurait sur sa table de nuit. C'est sûr que si c'est une tour Eiffel, faut avoir l'esprit mal placé. Ça c'est ça. C'est à qui il nous invite? Chez lui. Puis vérifier. Exactement. Qui a dit: j'aurais mieux fait de faire autrement? Ouf. Nicolas Sarkozy à propos de la taxe carbone. Ah, je sais. Je sais. Je sais. Non, je sais. Éric Besson. Éric Besson, bonne réponse. Voilà. Éric Besson pour expliquer son doigt à la journaliste de Canal+. Hein. Bah oui, il aurait dû. Oui, il aurait mieux dû faire autrement. Voilà. Il est con. Allez, troisième et dernière. Qui a dit: un collègue m'a dit, tiens, un oiseau qui tombe. Un chasseur. Un mec devant le World Trade Center le 11 septembre 2001. Non. Attends, le mec il a dit quoi? Il a dit, tiens, un oiseau qui tombe. Tiens, un oiseau qui tombe. Un oiseau qui tombe. Un indice en bas de votre radio. Attends. Non, vas-y. En fait, il ne s'agit pas d'un oiseau. Un oiseau qui tombe. Jean-Claude Van Damme. Non. C'est un avion qui s'écrase? Non. C'est dans le ciel. C'est dans le ciel. Garde. Enfin, un pas vraiment dans le ciel, mais bon. C'est quelque chose. Un footeux? Non. Un homme politique? Une aile de pigeon, c'est pas un truc de foot, ça? Si, une aile de pigeon, mais ça marche pas le foot. Un oiseau qui tombe, non. Un acteur? Non. Un steward, un mec de la tour de contrôle d'un aéroport. Non. Mais c'est quoi sa fonction? Bah c'est juste il est employé, je sais pas ce qu'il a comme fonction. Ah, France Télécom. Eh oui, un employé de France Télécom regardant son collègue passer par la fenêtre. Oh, allez, c'est chaud quand même. C'est terminé pour ce Mac du jour, un autre Mac du jour, un autre jour. Mickaël, le podcast. Bon, on parlait des mythos aussi tout à l'heure. J'avais donné donc le top 5 des mythos des hommes, justement. Je donnerai les mythos des femmes dans quelques instants. Avant ça, nous avons Alexandre qui est là, de Paris, dans le 20e, 25 ans. Bonsoir Alex. Mes amis, bonsoir. Comment ça va? Bien, très bien. Moi, je ne ferai pas de chiffrer les lettres. Bon, alors, Alex, tu voulais réagir par rapport au mytho. Toi-même, tu es un gros mytho? Bah, effectivement, oui, je suis on va pas dire un très très grand mytho, mais bon, c'est vrai que... Tu n'es pas un grand mytho, mais un mytho quand même, quoi. Tu utilises cette forme de communication assez souvent. Cette forme de communication. Bon, ouais, c'est vrai. Donc, soit que pour le côté professionnel ou pour le côté personnel, je mens quand même assez beaucoup, ouais. Mais tu mens dans quel domaine tu mens? Est-ce que c'est un mensonge qui sert à quelque chose ou c'est des mensonges qui servent à rien? Parce qu'il y en a comme ça. Moi, par contre, c'est toujours des mensonges qui servent à quelque chose, quoi. Ouais, qui servent à te sortir de la merde. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. D'accord, parce que après, t'as des gens qui, c'est ce qu'on appelle les mythos, en fait, finalement, qui ont un besoin de mentir même quand ça ne sert à rien. Tu vois, par exemple, entre deux potes, tu vois, tu t'en branles. Tu dis, t'as bouffé un quick? Non, un McDo. Alors, t'as bouffé un quick. Mais ça ne sert à rien de mentir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un exemple, c'est comme ça. Hein. On va dire, ça c'est des mensonges un peu bêtes, quoi. Mais bon, ça m'arrive des fois que, ça m'arrive quand je sors en soirée ou en boîte, comme ça, et puis je rencontre une meuf. C'est vrai que pour essayer un petit peu de la guicher et de la tirer. Tu dis quoi? Bah ça dépend, donc déjà bon, je mens pas trop sur mon nom, donc je peux assez mettre sur mon nom, je garde le même nom. Oui, bah bon, c'est con de mentir sur son nom. Hein. on va dire que je mens sur sur ce que je fais dans la vie, quoi. Donc mais sur ta situation, quoi. Voilà, sur ma situation, quoi. Et genre tu fais quoi comme taf en vrai? Bah là en vrai actuellement je suis comptable. Ouais. Même pour ça, pour être comptable. Ça va. Même pour être comptable, je m'en rappelle, ça fait quoi? Ça fait à peine 2 mois que je suis dans la boîte et pour rentrer dans la boîte, j'étais un petit peu bluffé, quoi. Ouais, mais encore, ça c'est pour avoir un poste et tout, ça va, mais quand t'es comptable et que tu dis, bah non, je suis pas comptable en fait, je suis musicien, enfin tu vois, ça sert à rien, quoi. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que pour être comptable, je suis assez bon en calcul, tu vois. Ouais. Les maths, c'est vraiment mon domaine, je suis assez bon, mais j'ai jamais eu de formation dans la comptabilité, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire que t'as eu ta place sur du bluff. Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. T'as menti sur ton CV? Ouais, bah si vous voulez mon CV, vous allez. J'avais vu le chiffre, j'aurais pu vous dire ce que c'est, mais je crois que c'est de l'ordre de 1 sur 3 qui mitonne sur son CV, même plus que ça, je crois. 2 sur 3, ouais, quand même. Sur 3, ouais. Bah, c'est pas mal. En même temps, si vous postulez chez nous, ça tombe chez Toff, si vous mentez, vous avez plus de chances. Non, surtout si c'est grillé. Non, ça, c'est pire, c'est que ça sert à rien de mentir, les trucs de cas sociaux, Toff, il les prend. Bah regarde, on a pris Micha. Ouais, Micha, c'est pour ça qu'il a été payé. Hein. C'est ça. Et en plus, Micha, il a été pistonné par Polo. Oui, en plus, c'est vrai. C'est dire. Pistonné par Polo, la recommandation, quoi. C'est dur quand même. Hein. Grave. C'est vraiment dur. Ah, tu savais pas hein, que c'était Polo qui t'avait pistonné. Ça t'emmerde un peu là-bas. Je savais, mais Polo, il y a eu plein de bons plans. Ouais, si tu Et du coup, maintenant, il t'en fait payer par contre. Ouais, et v'là le bon plan, hein. V'là le bon plan. Bon, bref. Et donc, alors, tu t'es déjà fait griller ou pas, Alex? En général, non. Oui mais donc tu t'es déjà fait griller. Donc oui. Non mais vraiment pour des petits trucs mais tu vois là par exemple tu ressembles à Toff, tu t'es déjà fait griller. Ouais mais non. Bah si ouais. Tu t'es déjà fait griller. Ouais mais pas tout le temps. Ouais. Bah, donc tu t'es fait griller. Non. Ouais, si. On peut pas dire ça. C'est ça. Ouais. Non on va dire que vraiment quand c'est vraiment pour des petits bluffs où je suis vraiment pas à fond dedans, ouais. Mais quand je joue bien mon rôle, non je me fais pas griller. Quand tu joues bien ton rôle, ouais d'accord. Ouais. Sur quoi tu t'es déjà fait griller? Quand il a le bon script. C'est ça ouais. Voilà quand j'ai le bon script. Sur quoi tu t'es déjà fait griller? Oh, mais c'est vraiment sur des petits trucs bêtes, c'est je sais pas vraiment comment t'expliquer quoi. Donc, bah, j'aimerais bien que tu m'expliques. Bah, il avait dit qu'il habitait dans le 20e, en fait il habite dans le 18e. Ouais, voilà, des petits trucs vraiment comme ça. Des, ah oui, donc ça sert à rien là pour le coup. Hein. Voilà, ouais, pour la peine ça sert à rien. Vraiment. Donc, ça ne sert à rien. Comme je disais tout à l'heure pour draguer une fille, donc non, y a... Donc tu dis que tu fais quel métier? Bah, ça dépend. Soit je leur dis que je suis organisateur. Bah, ça, l'exemple c'est que pour les soirées. Mmh. Ce que je fais, c'est que je leur dis bah tiens, je connais le gérant de la boîte et tout. Donc, je vais te faire rentrer alors qu'en fait tu connais Binance. Ouais, voilà, des petits trucs comme ça, quoi. Donc je connais le gérant de la boîte. Donc en fait la soirée là qui se passe aujourd'hui, c'est une soirée à thème. Donc c'est moi qui l'organise et tout. Et en général, quand on sort des petits bluffs comme ça, bah ça passe mieux, quoi. Non mais la meuf, tu la fais pas rentrer en boîte? Non, à la base la meuf elle est déjà dans la boîte. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà. Par contre il l'a fait sortir de la boîte pour la faire rentrer chez lui. D'accord. Pourquoi? Parce que tu penses que ça impressionne les meufs, c'est ça? Franchement, honnêtement, je veux pas être salopin, mais ça marche. Ouais, les meufs elles sont matérialistes. C'est honnêtement, franchement, les meufs, en général, quand on la raconte à un beau bar, ça marche. Très honnêtement. Voilà, d'accord. Quand tu leur racontes la vérité, ça marche jamais, je suis d'accord. Non, mais... Il faut parfois dire de la merde, hein, ça arrive, hein, il faut parfois. Mais bon, attends. Ouais, parce que ça marche, parce qu'elles ont envie de rentrer dans ton jeu aussi. Ouais, hein, les meufs qui n'ont pas envie que ça marche, ça marche pas, je te garantis. Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, mais d'accord, mais si elle veut rentrer dans mon jeu, tu crois vraiment qu'elle viendra chez moi? Non, c'est ce que je te dis, c'est parce qu'elle a envie de se faire cartoucher, c'est pas parce que. Cartoucher. La soirée. Cartoucher. Je n'aurais pas dit mieux. Donc ça veut dire que si je suis ton raisonnement, toutes les meufs veulent se faire cartoucher alors. Non, je suis en train de te dire que t'es pas obligé d'inventer des mythos comme ça pour te pécho des meufs. Hein. Ouais, oui. peut-être, c'est vrai, mais pour moi, c'est un jeu. C'est l'excitation de la soirée, ouais, d'accord. Après, ça, il a bu un petit verre, il sait plus trop ce qu'il raconte, et au final, ça marche. Ouais, mais ça, tu vois, ça, c'est le genre de truc qui est assez relou, ce que vient de dire Sandro, c'est que, tu sais, quand tu te fais griller, que la meuf te grille parce que t'as raconté un mytho, mais tu devais pas raconter un mytho, tu sais, c'était pas la peine, tu m'aurais dit la vérité, ça aurait été pareil. Alors que je suis sûr que si t'arrives en disant la vérité, tu te fais têche. Bah ça dépend. Ça dépend quelle vérité. Ça dépend, ouais, c'est ça. Hein. Mais voilà, tant qu'à faire, autant. Tu passes pour un gros bouffon hein, aussi des fois. Si jamais. Ah oui, ça je dis pas contraire. Si jamais tu mens et que la meuf en fait elle préfère la vérité, elle va dire mais t'es vraiment trop con de pas m'avoir dit la vérité. Quoi. Ouais, tu vois, je peux pas te faire confiance alors qu'on vient à peine de se connaître. Oui, mais elle le prend pas comme ça. Mais si, je le prends comme je veux. Bon, d'accord, ok. Du coup, tu te fais passer pour un con, c'est vrai. Bon, ouais, attends une seconde, Alex. On va faire le top 5 là des meufs. Top 5 des meufs numéro 5. Alors. Attention, j'ai mal à la tête, je suis désolé. Ah ouais, mais attends, mais ça c'est numéro 1 ça. Non, mais non, c'est le numéro 5. Putain, c'est que 5ème. Ouais, ouais, c'est que 5ème. Combien de fois je l'ai entendu celui-là. Et qui plus est, c'est un mensonge de merde, puisque en faisant l'amour, si le mec est bon, ça vous fera passer le mal de tête. Moi ouais. J'ai l'impression que c'est un gros cliché qui est pas aussi utilisé que ça. J'ai mal à la tête, désolé. Ouais, ça, j'ai toujours entendu des gens dire ça, en parler, mais dans la concrétisation, ah bah, attends, j'ai jamais entendu après, ça. On va peut-être avoir un j'ai mes règles. Numéro 4, je ne sais pas où c'est, j'y ai pas touché. Non, promis, je ne l'ai pas jeté. Ouais. Ah, ça oui. Voilà. Ça oui. Allez, ça oui. Ça, je le dis souvent. C'est la super bonne excuse de ma mère quand mon père retrouvait plus ses trucs. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Mais si ton père rangeait ses affaires aussi, alors. J'ai beaucoup employé les choses d'avant aussi. Ça, j'étais pas là pour voir. Oui, ça après, c'est comme vous voulez, madame. Bon, numéro 3. J'aurais dû avoir mal à la tête il y a quelques années. Hein, ah ouais, ça aurait peut-être été pas mal. Ça aurait évité le gros bouton qu'il a sur le nez. Ouais, bon, enfin bon. Bon, numéro 3, c'était pas très cher, hein, c'était en solde. Ah oui, oui, bah ça, oui. C'est la préférée de Sandro celle-là. C'est pour ça. Les sacs à main, les merdes comme ça. Numéro 2, non, ce n'est pas neuf, je l'ai depuis des années. Ah bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure sans le savoir. Ouais, voilà. Ça, c'est la deuxième préférée de Sandro. C'est ça. Et alors, ces trois-là, c'est vraiment. La numéro 1, donc, hein, je vais bien, il n'y a aucun problème entre nous, c'est la même que les mecs. Putain, comme les mecs. C'est la même que les mecs pour ils la première. Ont des problèmes, les Anglais. Hein. Ouais, franchement. Parce que j'ai mal à la tête, c'est quand même plus plausible que tout va bien entre nous. Ça, c'est vrai. Enfin, je trouve en tout cas. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Les excuses des meufs, c'est vrai, tu penses? Enfin, d'après ton vécu? Ouais, c'est vrai. Tu penses, c'est vrai? D'accord. Bah, attends, ouais, prenons une meuf pour voir. Il y a justement Tatiana qui est là. Salut, Tatiana. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Oui, comment je ça? Je pense que tu vas te faire mesurer. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Mais ça va bien. Mais oui, combien mesures-tu? Mais oui, ça fait longtemps, dis donc. Hein, quel est ton tour de poitrine? On me demande quoi, la ma attends, taille? Attends, mesures-tu déjà? 1m70. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Et la tête du dernier pantalon que tu as acheté? Du 38. Mais je peux venir te baiser à Reims ce soir. Je vais te raconter quelques mensonges au standard. Ouais, tout de suite. Alors ça tombe bien parce que elle aime bien mentir au mec. Parfait, voilà, j'adore ça. Ça dépend en fait, c'est bien payé un animateur radio ou... C'est très très bien payé, tu n'imagines même pas les millions que je brasse à chaque minute dans cette émission. Ça se voit pas physiquement. Ouais, ouais, bah, physiquement il fait tout pour que ça se voit pas. Ouais, mais je le cache bien, tu sais. Un appel de ta banque qui dit que tu fais tout pour que ça se voit pas non plus là-bas. Ouais, ouais, mais tu sais, je le cache bien parce que je veux pas que les gens m'aiment pour mon argent. Ouais, bah ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Bon bref, qu'est-ce que t'en penses, Tatiana, du top 5 des meufs là? Ouais. Attends, ouais. Tatiana, ça se voit, c'est. Toi tu mens pour la thune, toi. Oui et non. Mais pourquoi tu mens alors? Ben parce que ça m'amuse peut-être. Non, disons que bon ben j'aime bien changer, je suis un peu fofolle et tu voilà. Es un petit peu fofolle. C'est bien être entretenu aussi, il faut l'avouer. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Putain, c'est dingue ça. C'est-à-dire entretenu, t'aimes bien qu'on te fasse la vidange de temps en temps? Oh, quel dégueulasse. Ça fait partie de l'entretien, c'est vrai, il y a pas tort. Hein. Oui, si on suit le raisonnement. C'est Sandro qui m'a soutenu. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai, si on suit son raisonnement, c'est. Oui, non, il n'y a pas que ça aussi, parce que bon, des fois, faut se sacrifier, parce qu'il y en a, c'est pas terrible. Faut mais se bon, sacrifier. Faut se sacrifier. Oh, quelle horreur. Mais c'est abusé ce que tu dis, quoi. Franchement. Mais tu simules beaucoup alors. Mais est-ce que ça ne serait pas de la prostitution? Bah non. Bah, c'est maquillé, quoi. Bah si, te faire entretenir et te prendre une cartouche alors que t'as pas envie, c'en est. Oui, mais bon, je sais pas comment expliquer. Disons qu'il m'offre de temps en temps des petits trucs. Et toi, de temps en temps, voilà. Tu baisses ton cul. En quelque sorte. Mais en général, ça dure pas très longtemps. Donc c'est parce que tu prends des précoces. Voilà. Ouais, mais si on connaissait, je pourrais durer des heures. C'est pas ça qui dure pas longtemps, c'est la relation. Ah, c'est la relation qui dure pas longtemps. Oui. D'accord. En général, c'est assez court. Donc, et moi, mon mensonge préféré, c'est « Oh, je préfère attendre ». Mytho, va. Ah, ça, c'est... Je préfère attendre que t'aies plus un rond, c'est j'ai ça la vraie chose. Étonné qu'il soit pas dans le top d'ailleurs. Bah ouais, mais c'est les... Merde, je recommence. C'est chez les British en fait, hein, le top. Hein. Ouais, j'ai entendu. Voilà. Oui. Quand on voit Skin, les British n'ont pas l'air d'attendre beaucoup. Hein. Quand on voit quoi? Skin, c'est la série anglaise sur les ados. Ah, je sais pas. Ça passe sur Canal. Là, ça va. Je sais plus sur quelle chaîne ça va commencer en clair. Et en fait, c'est des ados anglais qui font des soirées beuveries, mais des trucs de ouf, quoi. Ah, ok. Ça ne m'étonne même pas, effectivement, ouais. Mais je pense que le top sur les meufs, c'est pour les couples. C'est-à-dire. Oui, en général, ce qu'il disait, c'est pour le compagnon. Les ouais, c'est vrai. Sur les couples entre eux, ouais. Ouais, mais connaissant Tatiana depuis quelques minutes, j'ai l'impression que le mot couple, c'est pas vraiment le truc qui ressort le plus souvent chez elle. Ou alors le couple d'une nuit, quoi. Non. Non, elle a dit des courtes périodes. Des fois, voilà, bon, j'ai des périodes plus ou moins longues, quoi. Mais qu'est-ce que t'appelles plus ou moins longue? C'est ça encore la question. Je crois que la plus longue a été de 2 mois à peu près. Oh, quand même, hein, dis donc quand alors. Hein. Et attention, c'est pas mal. Elle a fait quand même attendre le mec 8 semaines hein, avant de coucher. Non, c'est bien. Hein. Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal tendance à leur mentir, bon, au niveau de mes sentiments, tout ça. Et ça m'arrive d'en avoir plusieurs aussi en même temps quand même. Est-ce que tu mens aussi au niveau, genre, par exemple, de ton tour de poitrine? Tu sais, genre, tu mets des trucs. Ça, des sous-tifs rembourrés et tout ça. Oh non, je ne mens pas physiquement, j'en ai pas besoin. Oh genre, oh, mais je suis super bonne, pourquoi est-ce que je devrais mentir? Vous êtes con quoi là. Oui, je t'écoute. Tout à l'heure il essaye et on ne laisse pas parler. Ouais, déjà il était en train de se branler pendant que elle faisait. vas-y, je t'écoute. Par contre, moi quand je mens, attention, parce que là c'est peut-être, elle sera peut-être là la différence entre Tatiana et moi, c'est que je joue pas avec les sentiments. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important et donc faut pas trop jouer avec ça quoi. Mais à partir du moment où tu mens, tu joues avec. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais ça va pas. Moi, quand je mens, c'est des relations de. Allez, d'un soir, ouais. Ça va pas plus loin, ça va. Ouais. C'est histoire d'un soir, quoi. Le lendemain matin, elle saura pas que tu lui as menti, en fait. Voilà, on peut dire ça comme ça, quoi. Et comme Tatiana disait à l'instant, sa plus longue relation, ça a été 2 mois et qu'elle ment sur les sentiments. Non, mais c'est beau parce qu'on a un panel, on a fait un sondage à l'antenne et c'est le mec le lover. C'est le mec qui respecte les gens et qui dit je ne mens pas pour sur du long terme, alors que Tatiana, elle dit moi je suis une michetonneuse et je m'en bats les couilles. C'est ça, je m'en bats les couilles, effectivement. Après, bravo, après, elle est belle la France, monsieur. Ouais, bravo. Après, tant mieux, si elle assume, tant mieux pour elle. Mais non, bien sûr, ouais. Moi j'irai pas jusque là. Bon, les deux mythos. Oui. On va vous souhaiter une bonne soirée. Bah, à vous aussi. Et puis gros bisous. Bah bisous. Enfin, plus à Tatiana. Alexandre, une bonne poignée de main, ça ira très bien. Tatiana, si tu veux une petite soirée, toi et moi, pas de problème. Hein. Ouais, il organise. Ça dépend, il paye combien? Oh, mais t'es une pute ou quoi? Non, mais attends, Tatiana. Non, mais je rigolais. Ah bon? Non, mais attends, ça m'a. À la limite, Tatiana, t'aurais dû lui dire, ouais, va falloir que t'attendes un peu, quoi. Voilà, exactement. Sinon, il y a des sites spécialisés, hein, Tatiana, où tu mets ton annonce, ta photo et puis... Oui, tof.com. Ça aussi, mais... Le premier site. Le premier, c'est ça, ouais. Bon, allez, gros bisous tous les deux, à bientôt. Bisous, bonne soirée, les gars. Ciao, bye bye. Michael, le podcast. Bon, on va se faire les questions pour une réponse maintenant avec Jessica et Benoît. Bonsoir tous les deux, salut, comment ça va? Salut, petite équipe. Salut. Ça va bien? Bon, Jessica, 23 ans, t'appelles de Mayenne. C'est ça, ouais. Et Benoît, t'appelles de Cambrai, 18 ans. Ouais. Très bien. Benoît, tu veux jouer avec qui? Tof. Avec Tof. Jessica, tu veux jouer avec qui? Sauf Sandro. Pourquoi? Parce qu'il a triché avant. Mais non, je te jure, il m'a pas donné. Pedro a écrit les questions, t'as été téléphoné à Pedro pour avoir les réponses. Oui, mais il a non. pas voulu me les donner. Je veux pas le savoir. Mais je te promets, appelle-le, il voulait pas me les donner, Jessica, sale norme. Alors, veux... si tu m'écoutes, je t'emmerde, connard. Tu veux jouer avec qui? Sauf Sandro. Le roux, alors. Avec le roux, très bien. Ah. Bah écoute, on va y aller. Hein. T'inquiète, hein. C'est qui Jessica qui crie derrière? C'est mon copain derrière. D'accord, ok, très bien. Bon, bah nous allons jouer maintenant à question pour une... Réponse. Allez. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez, c'est parti, vous êtes prêts tous les deux? Jessica, tu joues donc avec Leroux. Benoît, tu joues avec Tof. Attention, vous êtes prêts? Prêts. Attention, top, je suis un groupe de rock européen. Oui. Oui. Muse. Non. J'ai fait adorer le 25 décembre à tous les roast beef, mais le problème c'est que je peux être aussi complètement autre chose. Oui, Benoît. Quoi? Non. Ouf. Oasis. Oasis, bonne réponse. Par exemple, je pourrais être un petit espace de verdure en plein milieu du désert, ce qui est vachement pratique si par exemple vous êtes perdu dans le Sahara. Mais il faudrait vraiment être con pour passer ses vacances là-bas. Je peux également être une boisson rafraîchissante, sauf si vous me buvez chaude, auquel cas je serais plutôt une boisson rechaudissante. Ma recette à base de fruits est unique, puisque exclusivement fabriquée sans fruits. On m'écrit essentiellement avec les lettres O, A, S, I et R, S, et je suis Oasis. Attention, deuxième question. 1-0 pour l'instant pour le roux et Jessica. Vous êtes prêts? Prêts. Attention, sans doute tu ne joues pas. top, je suis quelqu'un qu'on écrase fréquemment sans le faire exprès. Il y a des gens qui m'écrasent aussi en le faisant exprès, mais bon, faut vivre avec. Je peux être jeté d'un immeuble de 35 étages, ça ne me fera rien. Et c'est pareil si vous me jetez d'un immeuble de 36 étages. Oui, Jessica. Non, ça ne fera toujours rien. Jetez-moi d'un immeuble de 37 étages et là je ne sentirai encore rien. Sinon j'adore vous faire chier quand vous faites un pique-nique. Je m'invite à votre table sans y être invité. Vous oui. Un chewing-gum? Bah non. Et je ramène. Bah oui, le chewing-gum il arrive sans être invité. Et bah je oui, ramène... il y a toujours des chewing-gums collés sous la table. C'est vrai. Et je ramène tous mes potes. Je peux vivre aussi bien dans un palais que dans un HLM, mais j'avoue que je préfère quand même ma bonne vieille baraque. Une souris? Non. Les souris? Non. Une bonne vieille baraque en terre. Que suis-je? Une fourmi. Bonne rép... Qui avait dit fourmi? C'est moi. Non, non, c'est un auditeur qui au tout début, c'est toi, Jessica, qui avait dit fourmi? Ouais, c'est moi, ouais. Autant pour moi, c'était bon. Je sais pas pourquoi, j'avais pensé aux choses. J'avais Coccinelle en tête. Alors, à présent, qu'il vient de gagner la Coupe du Monde, lui. Bon, attention, Tof, tu joues seul, puisqu'on n'arrive plus à joindre Benoît. Ah, c'est en même ça, temps, ça. Il a perdu. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, elle a raccroché de désespoir. C'est ça, ouais. 2-0 pour Jessica et Ron. Allez, le triplé. Attention, troisième question, vous êtes prêts? Ouais. Attention, top, je suis un moment de bonheur dans la vie de milliers de Français. Un moment Nutella. Non. Assez rapide, je peux durer jusqu'à 4 minutes. Certaines femmes ont déjà joué grâce à moi. Oh, un orgasme. Non. Transcendé par deux magnifiques étalons, ces deux effets. Sandro. J'ai mal à la gorge. C'est ça. Non, mais quand on a mal à la gorge, j'ai fait de renoncer pour mouiller tout ce qui porte des talons, sinon je peux faire rire aussi. Hein. Je parle parfois du 7ème art, mais ce n'est pas ma vocation première, même si ça fait grimper les gens au 7ème ciel. On peut me trouver chaque mercredi sur Énergie et depuis peu le dimanche également. Roux. Ah, c'est compliqué. Le petit ciné des Mexicains. Le petit ciné des Mexicains, yes. Bonne réponse. Hésitez avec quoi? Les Mexicains. Ah. C'est pas que Pedro il s'est branlé en écrivant les questions. Et le triplé du Roux. Roux a répondu à deux questions et Jessica à une question, c'est pas mal. Bravo, 3-0 Jessica. Joli score, joli score. En tout cas ton mec a l'air plus content que toi. Hein. Ouais, il est content. Ouais. Bon, on va vous filer des cadeaux quoi qu'il arrive. Je vous repasse Michel au standard, d'accord? Ok, ouais, ça marche. Salut à vous deux. Salut à toi. Ciao, ciao, bye bye. Bon, ben voilà, c'était le question pour une réponse. Nous rejouerons aux questions pour une réponse dès demain. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Mickaël, le podcast. Et puis nous avons également le bras long. Vous savez qu'Orange ne fait pas que du de la téléphonie. Non, il fait du sport. Ils font également ils font également de l'internet. Ils font également du cinéma. Orange Cinéma, comment ça s'appelle? C'est Ciné, je sais pas quoi, là, leur chaîne de cinéma. Orange Ciné, ouais. Bah, c'est, Orange Cinéma? Je sais pas, Orange Ciné. Je sais pas, en même temps, personne peut l'avoir. Hein, donc. Oui. Non, mais c'est une galère. Ah, c'est fini maintenant, tu peux plus l'avoir en plus. Ah si, maintenant c'est revenu, mais je crois qu'il faut être abonné Orange, téléphone, internet, et puis il faut ne pas pouvoir avoir, enfin je sais pas. Il faut ne pas être mort aussi, hein. Oui, après il faut pas être mort. Ah, c'est pas facile, ouais. À France Télécom. Et donc nous avons eu la première bande-annonce d'Orange Cinéma, c'est bien ça, hein. Le premier film qu'ils vont produire. Premier film que va produire Orange, écoutons. 40 ans après le film Scandale de Stanley Kubrick. La direction de France Télécom relance la controverse dans... Orange. Mécanique 2. Bonsoir, je suis Didier Lombard, patron de France Télécom, et mes managers Marcel Haineux et Albert Cruel. Tous les matins, au siège de France Télécom, on se gratte les couilles en cherchant comment mieux persécuter nos salariés. Ça nous affûte l'esprit, et ça nous met en train pour une bonne journée de sapage de morale. Orange. Mécanique 2. La face cachée de France Télécom. Ce qui m'exaspère le plus, ce sont les employés qui croient que tout est acquis. Oui, allô ? Roger, c'est Didier Lombard. Oui, monsieur le président. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous travaillez pour nous ? 10 ans, monsieur le président. Je suis au centre d'appel à Marseille. Très bien. Eh bien, je vous offre une promotion. Oh, merci, monsieur le président. À Dunkerque. Mais ma femme, mes enfants, et le crédit pour la maison. M'en fous, vous préférez peut-être être au chômage. Mécanique 2, le film qui changera à jamais votre vision des ressources humaines. Maintenant, regardez comme j'ai bien formé mes managers. Françoise, vous pouvez m'apporter le dossier frais d'obsèques? Voilà, monsieur le directeur. Mais c'est quoi ce travail? Eh, pour faire ça, je peux demander aux stagiaires de 3ème, là, mais vous faites quoi de votre journée, Françoise? Oh, pourquoi je vous paie le SMIC tous les mois? Eh, pas pour me donner ce genre de torchon, j'espère, hein. Excusez-moi, monsieur le directeur. Je vais refaire le dossier, pardon. Qu'est-ce qu'elle est bête, cette Françoise. Orange. Mécanique 2, un chef-d'œuvre de gestion du personnel. Toutes les lignes de l'assistance psychologique de France Télécom sont occupées. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Avec la musique. Ah, c'est glauque. C'est archi glauque. Oh, c'est assez glauque. Hein. Bah oui, mais c'est pour se rendre compte de la réalité des choses. Sale, c'est ouais, sale. Orange Mécanique 2. Surtout, c'est le Orange Mécanique 2. Je pense que ça, faudra l'envoyer en France Télécom. Non, non. Pour qu'ils le prennent très mal. Oui, ah bah là, ils vont mal le prendre. Hein. Ça, c'est. Putain. C'est ça. Déjà, on n'est pas sûr que là, maintenant, ils vont pas mal le prendre. Hein, bon, ça va, ils écoutent pas, là. Ouais, mais on n'est pas sûr encore. C'est un peu tard pour eux. C'est ça, ouais. Bon, Adrien, qui est là maintenant de Paris, dans 15ème, qui voulait réagir par rapport à Orange et. Enfin, France Télécom. Mais c'est la même chose, en fait. C'est pareil, ouais. Bah, en fait, France Télécom, c'est. C'est la téléphonie fixe et Orange, c'est les câbles. Non, Orange, c'est une filiale de France Télécom. Ah, je croyais que c'était la marque qu'ils exploitaient, en fait. Ah, je sais pas. Enfin bon, bah, disons France Télécom, comme ça. À l'époque, rappelez-vous, c'était Itineris. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, Itineris, ouais. Ah ouais. C'était France Télécom. C'était Itineris. Orange. Itineris, il y a eu Itineris, il y a eu Orange, et il y en a eu un autre qui les était... PTT. Bah non, Wanadoo. Ah oui, Wanadoo. C'était Internet. Mais ça, c'était Internet. Il y avait Wanadoo Internet, et puis après, il y avait Itineris téléphone portable. T'avais pas des forfaits Wanadoo? Ah non. Non, c'est vrai. Ah, non. C'est fini Wanadoo aussi? Oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est Orange. Orange a tout repris maintenant. D'accord. Voilà, c'est tout Orange maintenant. Bon, alors, Adrien qui est là maintenant. Allô, Adrien? Ouais, bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va. Salut toute l'équipe. Salut. Toi, tu bosses chez France Télécom, toi. Tu connais quelqu'un qui bosse chez France Télécom? Moi? Toi, tu bosses chez France Télécom? Non, mais mon père travaille chez France Télécom. Mais il travaille toujours là-bas? Ouais, il toujours pas mort. Ah. Très bien, ça nous rassure. Non, parce qu'à un moment on a eu peur, on s'est dit oh putain. Bon, félicitations déjà. Ouais. Ouais, merci. Profite bien de ton papa. Bon, comment ça se passe alors avec ton père? Il se plaint de son travail? Bah ouais, en ce moment c'est assez tendu au bureau parce que tous les jours il y a des réunions, tout ça, pour les sensibiliser, être à l'écoute des autres. Oh, j'avais une vanne avec le tendu, c'est pas bien. Continue. Ouais, donc au bout d'un moment il en a marre quoi. Voilà, parce que tous les jours il est penché avec ça. Ils le font chez quoi? Bah, ils font des réunions, tout ça, pour dire qu'il faut être à l'écoute des autres personnes. Il faut être à l'écoute des autres personnes? Des collègues, ouais, quoi. Il faut qu'ils soient à l'écoute entre les autres. Ouais, la psychologie entre collègues, quoi. Ouais, ils ont même mis des numéros verts avec des petits au bout, tout ça. Oui, c'est leur nouvelle mode. Maintenant, il y a plusieurs mesures, et dont le numéro vert. Oui. Ouais, en cas de suicide. Donc si tu te pends, bah tu passes un coup de fil. Mais alors, ce qui est bien, c'est que le numéro vert. Bon après, tu me diras si t'as envie de te suicider, ça change rien. Mais le numéro vert, ça ne marche. Ce n'est gratuit qu'avec un poste fixe. Parce que si tu appelles avec un numéro de téléphone portable, ouais, ça coûte cher. Mais quand tu te pends, tu t'en fous. Oui, non, mais quand t'appelles du bureau, oui, bien sûr, mais bon. Et donc après, vas-y, continue, excuse-nous. Ouais, donc par exemple, son patron, il s'appelle Thierry Bonhomme. Je sais pas si vous... Voilà, c'est trop tard, tu l'as dit. Ouais, bah là, c'est trop tard. Hein, voilà. Donc, évite de donner des noms. On va faire comme si on avait rien entendu. Donc, hein, comment s'appelle Jean-Philippe? Bon, c'est mieux de pas dire les noms. Hein, si tu veux. Ah, je sais pas, mais on m'a dit de t'expliquer. Oui, oui, non, mais expliquez, oui. Bah, bon, c'est pas grave, on a rien entendu. Il n'a pas dit son nom. Non. Bon, tu, très bien. Tu fais comme dans le Parisien, tu modifies son nom pour le bien de la compréhension. Voilà, d'ailleurs, là, ce n'est pas son vrai nom qu'on a donné. Enfin, qu'il a donné. D'ailleurs, il n'a pas donné de nom. Tout à fait. Bon, vas-y, continue sans dire de nom, hein. Vas-y. D'accord, ok, ça marche. Et ouais, donc la personne là, le monsieur. Ouais, Jean-Philippe donc. Ouais, Jean-Philippe, eh ben tout souvent il appelle tout ça parce qu'il fait chier. Il lui dit quoi? En même temps, c'est un patron, hein, c'est le concept d'emmerder le monde. Hein. Bah, ça dépend. Ouais, parce que en fait mon père il est plus très jeune, alors du coup il veut le foutre à la porte, et alors il se met les boules tous les soirs. D'accord, alors tu vas surtout éviter de donner le prénom de ton père, d'accord? Oui. Maintenant. Ah, il a pas de nom. Voilà. Son père ne s'appelle pas. C'est ça, il ne s'appelle. Et donc ton père il rentre tous les jours du boulot, et tous les jours on a essayé de le virer, enfin de le pousser à la porte. Ouais, voilà. C'est sympa pour un gars qui est là depuis, je sais pas, 20-30 ans. Tu sais, qui a donné sa vie pour cette boîte, et au final, oui, on va vous mettre dehors, vous nous coûtez trop cher, on va prendre un petit jeune qui n'y connaît rien. Voilà, et donc en plus avec ses histoires, il en a marre. Mais ça, il n'y a pas qu'à France Télécom, hein. Mon père il m'expliquait que là où il bosse, je ne dirais pas où. Oui, c'est basé, on n'est pas loin de France Télécom. Non, ça n'a rien à voir avec France Télécom. Non, mais d'Orange. Ah oui, par contre, c'est un peu pas loin. Oui. Et donc en fait, il m'expliquait qu'il y avait un mec, ça faisait mais genre il a fait toute sa carrière dans cette entreprise. Société. Voilà. Je sais pas, 30 ans quasiment. Et en fait, le mec, ils veulent le virer. Sauf que forcément, ils n'ont rien pour le virer. Et donc, ils l'ont mis dans un placard. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont. Pas, ça. En fait, le mec, si tu veux, il trie des trucs toute la journée. Ça fait 30 piges qu'il est là. Ah, mais encore, il fait quelque chose. Ouais. Mais j'ai vu un reportage un jour comme ça, un mec qui s'était fait mettre au placard, on l'a mis dans un bureau, il avait pas de téléphone, il avait une chaise, un bureau. Et il n'avait rien à faire. Ah, mais attends, c'est pas admis, c'est pas très grave. Rien à faire. Bah, mais si, tu te fais chier. Mais non, mais attends, entre te faire virer, tu vois, et puis avoir de boulot, être au chômage et qu'on te paye à rien foutre. Bon, non, bah, mais c'est pas ça, c'est même, t'as donné 30 ans. Non, mais t'as donné 30 ans de ta vie à une boîte et au final, tu vois que, voilà, soit ils te foutent dehors, soit tu pètes un câble. Parce que eux, ils te licencient pas parce qu'ils doivent payer des indemnités. Toi, tu démissionnes pas parce que sinon t'as pas droit au chômage. Quand t'as 30 ans de boîte derrière, bah, t'y penses à deux fois. Donc, ils restent là, mais c'est. Oh, sans compter l'effet psychologique en plus, parce que quand tu mets dans un bureau à rien faire et que tu sais que c'est parce qu'on veut que tu craques et que tu te casses, c'est pas facile à vivre aussi. Et donc là, en fait, le mec, donc, effectivement, il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas de téléphone pour qu'il ne puisse pas chercher un autre boulot pendant qu'il est dans ses heures de boulot. Donc en fait, il peut juste faire le tri des trucs qu'on lui apporte dans son bureau. Putain, les bâtards, c'est vraiment ça se fait pas. C'est vraiment des enculés. Et donc quoi. Le mec, il a quand même donné 30 ans de sa vie à cette boîte. C'est ça, ouais. Finalement, tu te ferais traiter comme une sous-merde. Mais bon. Bon, et donc Adrien, quel âge il a? Oh non, il n'a pas d'âge. Donc, mais il peut pas chercher un truc ailleurs ou il veut rester là jusqu'à la retraite et comme ça, il est tranquille? Ouais, il est en train de chercher ailleurs là. Ah ouais, d'accord, ok. Bon bah écoute, on lui souhaite bonne chance en tout cas. Hein. Mais il va galérer, enfin ça le problème aussi, que les gens qui ont plus de 50 ans déjà, ça devient difficile quoi. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Bon bah merci à toi Adrien d'être passé et puis bah tu refais quand tu veux. Hein. D'accord, merci beaucoup. Salut à toi, à bientôt. Salut. Ciao. The P-O-L-O Show. On y va. Hi, wir sind Aloha from Hell. Und ihr hört die Once again. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas pourquoi ces voix-là m'excitent, voilà, ce petit accent allemand ou un petit accent hollandais, moi ça me plaît. Voilà, il y a des gens qui détestent cet accent parce qu'ils trouvent ça un peu agressif. Moi je trouve que il y a une espèce de domination de force et d'emprise sur la personne quand j'entends ce c'est tout cet allemand. Bon, on est dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. On va accueillir la première personne. Allô? Tu sais pas qui je suis? Non, je sais pas qui tu es. Je suis quoi? Je suis T'es qui? Tu es un blanc ouais. Je suis Brissou le français. Brissou le blanc Brissou rouge. Oui. Qu'est-ce que tu veux exactement? Pourquoi rien, tu veux chanter? Je voulais juste que tout le monde chante avec moi. Non, on n'a pas envie de chanter, Brissou. Le blanc rouge. Brissou. Brissou le français. Brissou. Oui. T'es gentil, mais personne veut chanter avec toi, on s'en fout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Non, en écoute, France. Tu n'es pas. Au moins 10%. Oui. Bleu, blanc, rouge. Brissou. Oui. On va y aller. T'as quelque chose à dire ou c'est juste pour chanter comme ça bêtement? Oui, je voulais dire je suis Brissou le français. Bon, Brissou le français. Brissou. Bleu, blanc, rouge. Brissou, qu'est-ce que ça te dirait qu'on écoute un peu de pub? Si c'est de la pub française. Française. Certifiée française. Produite en français. Produit en français. Avec des paroles françaises. Avec des produits français. Alors je vais bien. Alors on y va. Énergie et Dulcolax présente Enrico Lachias, le chanteur le plus. Le chanteur le plus lisse et le plus coulant de sa génération. Ce caleçon pourri, j'ai chié dedans aussi. Laï laï laï laï laï laï laï laï laï laï laï. Bonjour de tout pays, sentez ce paix. Moisy, prenez ce cadeau et puis pétez aussi. Et sa chanson où il invite tous les pays et toutes les religions à se lâcher chaleureusement. Pétez, pétez, pétez, pétez, pétez, pétez, ah. Pétez, pétez, pétez, pétez, faites un gros caca. Il sera en concert à l'hôpital Velpo à Velpo demain midi. Et à la maison de retraite Francine, à côté de la Napoule. Prendre autoroute A956, direction Plouc-Saint-François. Et là, vous y êtes presque. Enrico Lachias en live, un événement énergie. Salut, c'est Helmut Fritz. Le polo chaud, ça m'énerve, ça m'énerve. De retour dans le polo show, j'espère que tout le monde a bien apprécié cette pub qui est pas mal pour Enrico Lachias. Je ne suis pas responsable de ce qu'il y a dans les... Enrico. Enrico. Enrico. J'ai dit Enrico. T'as dit Enrico Lachias. Mais non, j'ai pas dit Enrico. Et alors toi, tu dis vidéo. Hein? Tu dis pas des vidéos, tu dis des vidéos. Non, des vidéos. Ben moi j'ai dit Enrico. Et là, mais j'ai dit Enrico. Alors quoi, de toute façon, je ne suis que le réa, je ne dis plus rien. Qui est là? Ouais, allô? Hello. Ouais. Ouais, c'est Jack en fait. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je voulais savoir si je pouvais te parler un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, mais ça va pas très bien en fait. Bah, qu'est-ce que t'as, vas-y. Bah, c'est le travail en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le travail? Bah, ce qui se passe, c'est que, bon, déjà, j'ai un patron, cul de la gueule, quoi, il a pas d'allure. Ah ouais, c'est ça. En plus de ça, bon, t'en as un autre, il puis sous les aisselles, là, il croque ses musclores, et c'est pour arriver, tu vois. Eh. L'autre, la meuf, là, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, elle est incapable de se souvenir de mon prénom. Ah oui, ça tous c'est... Tous les jours, je lui rappelle. C'est une femme en même temps. Ouais, ça devient un peu fatigant. Alors le dernier, je t'en parle pas, hein, il te demande de l'argent pour te dire bonjour. Ah oui, ça, c'est faut bien gagner sa vie. Moi, je suis au bord du gouffre, quoi. Bah saute. D'ailleurs, d'accord. Bah, salut, ciao, Jack. Qui est là? Allô? Allô? Ayo Poyo, c'est Baptiste. Ah non, pas toi, Baptiste, pas toi. Baptiste, c'est que t'es où là? C'est la rentrée? Bah oui, bah j'ai repris les cours. Bon alors, qu'est-ce que t'es tu fais cette année? En cinquième, t'es en cinquième quoi? En cinquième CPA. Ah, d'accord, qu'est-ce que tu veux, Baptiste? Qui Poyo, et j'aimerais bien trouver une fille, moi. Ah, d'accord, donc toi aussi, tu fais partie de ces innombrables personnes qui pensent que ici c'est un centre de soit de réinsertion, soit de Toi t'as beaucoup d'expérience. Tu crois que on n'est pas sur Mythique là? Non mais toi tu peux m'apporter ton expérience. Non, j'ai rien, absolument rien à t'apporter avec ta gueule de toute façon et avec ta voix de merde là. Bah toi comment tu fais? Bah moi je fais rien moi. Moi c'est le charme qui arrive. Ah bon? Hey, tu pourrais m'envoyer un cerf-volant du polo show? De quoi? Tu pourrais m'envoyer un cerf-volant du polo show? Un frisbee si tu veux. Ah bah c'est bien avec ta tête Ouais voilà, il nous reste des Scooby-Doo polo show si tu veux aussi. Et puis ah on bah a aussi bien que tu m'envoies. Des gants de toilette polo show, ça te dirait? Eh hey, polo quoi, quoi? Hey, comment tu fais pour amener les filles chez toi? Je les amène pas chez moi. Parce que toi t'habilles dans une studette. Dans quoi? Dans une studette. Une studette. Bah toi t'as fait la studette. Oh là, tu m'as saoulé, dégage d'ici, allez, allez hop, dégage. Bon, allez, pour terminer ce polo show, qui est là? Allô. Allô. Ouais, Steve Matt Spirit, Mito et compagnie. Bon, comment t'appelles? Steve Matt Spirit. Bon, Steve Matt Spirit, qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, bah, je vous appelais parce que bon, si vous avez besoin d'un Mito, je suis là. Hein. D'accord, bah écoute, non, pour l'instant, on a... Bon, qu'est-ce que tu veux? Non, parce que bon, non, si vous avez une pute à aller voir, y a pas de problème, hein, j'expliquerai à votre femme que, bon, que vous ça avez sauvé un enfant de la loi, bah c'est simple, vous m'appelez, vous me dites, bon, bah voilà, j'ai besoin d'une excuse. Ouais. Hein, genre par exemple, vous voulez aller à une réunion. Hein, ouais, bah, d'accord, bon, voilà, je vais aller à une réunion, j'ai pas envie d'y aller, je t'appelle. Allô, bah, Steve Matt... vous m'appelez, moi j'appelle votre patron et je lui dis que bon, c'est mieux pour lui que vous veniez pas parce que bon, vous avez attrapé la grippe. Ah, hein, d'accord. Et que ça serait dommage de contaminer le reste de l'équipe. Alors, admettons que je vais aller voir ma maîtresse et qu'est-ce que. Alors, voilà, j'ai une maîtresse, enfin, j'en ai plusieurs. Oui. Qu'est-ce que je dis à ma femme fixe? Bah, vous dites rien à votre femme, c'est moi qui l'appelle directement. D'accord, voilà, alors, tu fais quoi toi? Je lui expliquerai dans un élan de générosité, vous avez sauvé un enfant de la noyade. D'accord. Qui était en train de mourir dans la Seine et que bon, là, vous l'accompagnez jusqu'à l'hôpital parce que voilà, il ne veut plus vous lâcher la main, quoi. Ok. Par exemple, j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour un rendez-vous important et je fais quoi? Je le laisse. Par exemple, je l'ai fait poireauter pendant 40 minutes. Je t'appelle, tu fais quoi? Bah là, je l'appelle et je lui dis que malheureusement, bon, vous avez été coincé dans un embouteillage suite à un accident, votre voiture s'est retournée. Ouais. Et que donc, bien évidemment, vous attendez les secours et la dépanneuse et que bien évidemment, bah, vous arriverez nous, avec ça. Une voiture de remplacement. Y a pas des excuses plus simples parce que là, ça entraîne. Si, j'ai des excuses plus simples, mais bon. Bah, vas-y, je préfère, vas-y, fais-nous du bâton. Je fais pas dans l'excuse de détail, moi, monsieur. Hein, je suis grossiste dans l'excuse. Hein. D'accord, mais tu peux, vas-y. Bon, j'ai quand même des bonnes références mytho. Hein. Je suis pas né de la. Ah oui, ça. Hein. Ah bon. Ça on le sait, ça. T'es pas eu de la dernière pluie. Voilà, hein? Bon moi j'ai de l'expérience, hein. Brice Hortefeux, bon bah c'est moi, toi? Hein. D'accord. Nicolas Sarkozy, c'est pareil. Toi? Ah pareil, ouais. D'accord. Ouais. Hein, bon après bon j'ai fait des trucs plus gros, hein. Bon, Bush, okay. Aussi, c'était moi pareil. Hein. Le bon, 11 septembre, c'est moi. Et hein. Admettons qu'il y a quelqu'un au téléphone qui me saoule, je fais comment pour le tège? Bah là vous démerdez, je fais rien pour vous. Bon bah on va faire comme ça, allez casse-toi d'ici. Petit jingle de fin de polo show, s'il vous plaît. Il y en a pas, bon voilà. Le polo show est terminé, merci à ceux qui l'ont goûté. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Ce qui qui est triste ce soir, c'est qu'il n'y avait pas le public. Il y a deux réas. Il y a deux réas pour le polo show. C'est comme sur Radio France, tu sais, ils ont des assistants réa, réa, technicien réa, enfin je sais pas quoi. Ce qui manque, c'est une vitre. C'est le public. Et il n'y a pas l'autre idiot là avec sa porte. Ah oui, ce soir, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de problème. Et bah sa voix de Cressel m'a manqué. Tu vois. Polo. Il n'est pas là, voilà. Un seul être. J'ai peur, Polo. Voilà, il n'est pas là. Donc le public n'était pas là ce soir, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est donc, vrai. Voilà, le polo show était un peu faiblard. Voilà, je remercie Micha au standard qui fait son boulot tel un chevalier. Il y a tellement de monde qui appelle pour le polo show. Il bosse comme un. T'es en sueur. Ouais. Hein, tel un chevalier des temps modernes avec son épée, avec sa petite épée. C'est ça, ouais. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.